Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh là, je suis bien. Je ne bouge plus. Welcome on board. Bienvenue dans Apéro Original. Podcast. Ben oui, bien sûr, Apéro Original 12.2 déjà. Hein, on est au mois de... On est au mois de mai. Quand je regarde ça. Podren s'est très bien passé. Ouais, c'est très bien passé. Attends, on aurait dû dire ça un peu trop de monde. Alors, les dates pour 2019, c'est le. Le 21 avril 2019, voilà. Ah bah moi je sais pas, je compte pas les... Je suis à te demander, connard. au revoir, voilà, on finira là-dessus. Voilà, donc vous pourrez venir à Podren 2019 si vous le voulez. Encore une fois, j'ai à regretter qu'il n'y ait toujours pas eu de viol. T'étais pas là. Parce que justement, bizarrement, Gandalf n'était pas là. Il n'y a pas eu de viol. Capitaine GHB. Capitaine de soirée. Tu commences très bien ton émission. Toujours. Hein, allez, toujours. On la recommence. Alors, le quoi qui se passe. Oui, tiens, d'ailleurs. Faut se réveiller, là. Alors, pour cet épisode, du traditionnel dans le monde du podcast, malgré quelques petits changements, vous allez voir, ça va vous vous humer le rectum. Le sphincter, je sais pas pourquoi. Donc, on va commencer par notre... Dilater du sphincter, de la membrane, pardon. On va commencer donc par cette magnifique rubrique, le monde entier nos envies, où on sirote du clopipo, bien évidemment. Le monde entier ne peut pas savourer le clopipo. Si, il peut. Faut juste payer. Juste s'en donner les moyens. Alors, l'argent du podcast, on sait pas l'argent du clopipo, par contre. Dans les poches. Ah, mais tout travail mérite ça. Je me tapote le nez. Avec le doigt. Et juste après ça, on va suivre d'un petit dossier d'Azertov. On verra de quoi il veut nous parler. Je pense avoir une vague idée, mais je ne sais pas. Moi non plus. Ça sent l'enculot. Juste derrière, on aura bien évidemment aussi encore une fois une rubrique que Pépé nous a mis cette fois. C'est les questions aux invités. Ah, qu'est-ce que je m'amuse. Et nos invités aujourd'hui, c'est Jojo qui est déjà venu parmi nous. Oui, c'est toujours un peu. Comment ça, venu parmi nous? J'aurais simplement dit venu en moi. Rentrer en soi, voilà. J'allais le dire. On a Pépé aussi qui était là à la dernière session d'enregistrement. Bonjour. un peu moins à l'épisode 3 quand même, mais enfin, physiquement présent, mais mentalement. Non, j'ai dormi. C'est dormi. Ouais, j'ai dormi. Et David. Ouais, salut. CVT, tout ça. Ah, mais CVT est mort, même. C'est fini, définitivement. CVT est mort, vive CVT. C'est quoi le nouveau nom? Il n'y a plus de nouveau nom, je me retire de la vie. Moi, je le connais. Oui, moi aussi, j'ai entendu parler de quelque chose. Je ne fais plus partie de CVT, ni de Badnik, ni de Podren, ni de rien. Comme je l'ai annoncé à Podren, d'ailleurs. Vous n'étiez pas là, mon enculé. Vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Dire que les gens ont loupé Karim de Bâche, en plus. Pour la dernière de Podren. Merci. Ouais. Ah, ben, c'est comme ça. Hein. Donc, Pépé nous fera un petit dossier. Oui. On fera peut-être un peu l'étayer parce que. C'est prêt à 20%. Mais j'ai déjà fait moins que ça. Déjà 20 hier. Hein. T'as déjà lancé pour moins que ça. J'ai déjà fait pour moins que ça. Donc, tu nous fais une cobaye, quoi. Tu vas l'écrire là. Ah, oui, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et après, on a un quiz de Asto. Alors, c'est un quiz spécial. De Asto, voilà. Une petite cinquantaine de questions. Non, 10. Sur les mangas. C'est tout? Par contre, vous avez 2 heures pour répondre. Et on finira par une musique toujours non licenciée, parce que voilà, c'est du podcast. On peut payer les droits à la SACEM. On n'a pas payé les droits à la SACEM, on n'est pas chez Radio Mix. De toute façon, on n'est pas concerné par la SACEM. Exactement. Voilà. Et donc, on va commencer déjà par cette magnifique rubrique qui est « Ça va ou non ?» C'est bien mon blog. Donc, moi, je la merde, personne ne me présente. Ah oui, merde. Et Jean-Louis Tocheux, bien évidemment. Non, mais Jean-Louis Tocheux. Jean-Louis Tocheux. C'est notre Jean-Louis. Il fait la présentation des participants, mais en fait, il zappe la ligne numéro 1. Oui. La ligne qui est juste en dessous, il fait directement présentation du contenu. Mais il a fait comme moi. Ouais, mais en fait, sur Pod Radio, on sait jamais. T'es au moins sur le canal bêta. Non, un gros bêta surtout. Gros bêta, on y est. On est sur 2 ou 3. T'es sur au moins sur. T'es pas sur alpha, t'es sur bêta. J'ai été voir, il y a gamma. Et peut-être sur delta. Le epsilon, je sais pas. Le epsilon, non, mais je sais que juste après nous, sur un des deux, il y a Lionel Camille. C'est vrai, on est juste après. Et il y a Lionel Camille sur le deuxième. Enfin, sur le premier, et Benji. Qui c'est qui est avant nous, parce que ça me. Avant nous, je sais plus, je peux regarder. Oh, j'ai mis déjà. Je l'ai pas en mémoire. T'es pas dedans, toi. Non, il y avait peut-être là chez vous, quoi. Je voulais pas. Il voulait pas être dedans. Non, c'est bon. Enfermé dehors. Voilà. Merci du contact. Merci. Donc, oui, j'aurais pu parler de Pod Radio, mais bon. On y passe toujours à un horaire et un truc magnifique. Oui, on peut aller sur Pod Radio. Ça passe. Voilà, on peut aussi, mais oui, on l'a pas dit, ça aussi, on peut nous écouter aussi sur Radium avec un format court. Un format alternatif. Voilà. Un format alternatif. Shooter. Oui, je préfère, j'aurais vu la présence de Tocheux à la table, j'aurais dû dire alternatif plutôt que court, ça aurait été moins, moins compromettant, moins blessant pour ma personne. Mais voilà, il n'y a plus là. Oui, non, là, on va savourer quelques bières autour d'un petit clopipo quand même, parce qu'il faut pas déconner. L'espoir est vivant. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais. Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, venez, on va au fil, les gars ! Alors, cette fois, comme nous sommes délocalisés, hein, nous sommes délocalisés. Il est sur son internet. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez de me faire chier. Alors, ouais, attends, pour une fois, tu dis rien, merde. Coucou LCI ! T'as une Switch, coucou télé. On sort la Switch là, quand on s'amuse. Là, comme ça, en direct ? Ouais. J'ai vu, t'as Zelda. Alors ? Je vais pas le laisser animer, mais non. J'essaie de me faire chier. Il me fait chier avec son accent du sud. Là. Jean-Michel Apathy fait chier. Justement, quand c'est toi qui présente, ici. Tu l'as vu, ça y est ? J'ai vu le tweet, oui. Ouais, c'est pas celui de. Non, mais tu ne sais pas de quoi on parle. Allez, tu comprendras. Et bien, justement, j'ai entre mes mains le décapsuleur du destin, mais version. Apéro. Apéro. Ah, c'est celui-là que vous avez foutu sur mon frigo l'année dernière. Ah ouais. Bon, de bâtard. Non, il sert. Et je vais le donner à mon ami Azertoft. C'est pas ton ami, c'est pas vrai. Non. En main, en fait, on se vit. Oui. Donc moi j'ai une effet papillon brasserie, donc c'est une craft beer du coin si ma mémoire Mérignac. Est celle de bonne. Mérignac. Mérignac. Donc c'est ça, c'est vraiment du coin, du coin. Ah, c'est, et c'est même du coin Mauricie. Alors attends, vas-y. Du coin Mauricie. Trop de fois le jingle est à l'heure. Oui. Un petit peu en retard. Hashtag c'est pas la grève. Donc moi c'est une brown IPA. Donc on va voir ce que ça donne. C'est interdit à Sigourney Weaver, mais par contre tu peux la faire des flèches en triangle vert. Voilà, à la rondeur 2 sur 5, amertume 5 sur 5, et une couleur 4 sur 5. Donc je pense que ça va être bon. C'est une 7,5 en termes de puissance d'alcool. Hein ? Ouais, on va voir s'il répond. On va voir s'il répond. Je ne sors pas. Ah non, il y a zéro. Est-ce qu'il va répondre bon anniversaire ? Hop. Et bah, je donne le décapsuleur à monsieur David. David qui a mis une bière en entier. Non, donne-moi l'autre, il était sympa l'autre décapsuleur là qui faisait du bruit. Allez, j'aimais bien ce machin. Est-ce qu'on l'aimait bien celui-là ? Ah, celui-là, j'allais mettre bien. J'allais mettre bien, avec du ping. J'ai pris des grisettes. J'ai pris une grisette, aux fruits des bois, et c'est tout ce que vous saurez. Aux fruits des bois. Je pense que ce sera encore très sucré. 3,5%. Moins que la Lindemann's. Ah ouais, moins. Ah non, alors non. T'en fais un tesson et tu broches tout. Ce sera un peu moins sucré. Alors, elle est bonne jusqu'en novembre. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Elle est pas rose. Ah si, elle est rose. Enfin, elle est un peu violette. Rose. Il y a du blanc. Sur l'étiquette, hein. Je sais pas bien trop ce que c'est que cette bestiole. Ouais, bah ça doit être une c'est grisette. Robin. C'est Robin. C'est Robin. Coucou Kenton. Coucou Kenton. Ah, c'est interdit aux femmes enceintes. Heureusement qu'il n'y en a pas autour de la table. On les a envoyés dans l'espace. Ouais, c'est Sophie, ouais. C'est vrai. Sophie. Va savoir si tu finiras pas enceinte avant la fin de l'émission. C'est pas une chèvre, donc déjà, c'est pas moi. Et voilà, bah, on va voir ce que ça donne. Moi, je dis. Ah oui, oui. Et ça traverse la table. Non, lui, il a son. Quoi, j'ai rien à foutre, ça tu vas utiliser ça, tu vas me faire plaisir. Tiens, tu me donnes ta Switch. Si c'est pour la filer à Nemo, non. Non, c'est pour Randall. C'est pour Randall, bah oui, forcément. Non, lui, Nemo, il a une pièce de clopipo, on lui offre bon. Rien. Lui. Alors, il paye comme tout. Bah écoute, aujourd'hui c'est l'effet papillon, oui, mais en cascade, puisque moi aussi j'ai chopé une bière de cette brasserie là. Et c'est une India Amber Ale. Donc on va pas répéter encore que c'est de Mérignac. Si, ah bon, bah, oui. Voilà, avec une rondeur à 4 sur 5, une amertume à 5 sur 5 et une couleur à 3 sur Marine Le Pen. Voilà. Et elle est titrée à 6-8. Ah. Voilà, voilà. Alors celle-là, on va pas faire le fifou, on va pas du tout voir ça. Ah. C'est vraiment dingue, un truc. Ouais, c'est un canot, tu te moques pas. Je me moque pas, je dis que c'est de la merde. Ça marche très bien. Je lui ai mis un petit cas. Ah, par contre, il marche super bien. Ouais, bon. Asto va être content. C'est mieux ton truc hein là. Toi, non, ça c'est parce que tu sais. Attention, ça mousse. Je mousse, oui, c'est vrai. Ah oui. À chaque fois, tu. Mais moi, je mousse tout le temps. Encore une fois, on va parler de ta copine. Tu vas en mettre. Non, c'est bon. Il y a mousse de baise et puis. Ça... Souffle fort. C'est quoi, ça change pas l'aide? Tire! Goum! Il va jamais t'en rester. C'est original cette bière. Comment tu fais à chaque fois? Verse dans ton verre. T'es renversé, ouais. Et c'est vraiment ta personne, hein, parce que c'est pas les lieux, hein. C'est pas les lieux en tout cas. Ouais, putain, mais toi, avec toi, t'as comment? Et plus il va, mais plus ça sort! C'est poétique. Ah non, mais je crois qu'il est. En plus, c'est même pas l'hymen. C'est même pas l'hymen. C'est l'hymen. Tu vois les mouchoirs en papier, c'est l'hymen. C'est l'hymen. Doué de tes lèvres. Ah oui, tout ça, regarde, moi, ça. Tes lèvres arrivent. C'est bizarre, à côté de chez toi, il y a un petit bois. C'est... Ça te rappelle pas Podren? Non, je dorme avec Cobal. Ça mousse, c'est différent. Ah, était trop. C'était de la poudre à la fin. Et donc, ouais, bah, c'est Asto qui a récupéré. Alors, moi, je vais vous teaser ma mère juste de manière auditive. Quel talent! Ouais. C'est bien, c'est une bouteille. Une bouteille, du Tu peux faire une demi-heure comme ça? Je fais de l'ASMR, hein, en croissage de papier. Ça plaira à Ben, ça. Il s'agit d'une Bloemen bière, évidemment. On en a déjà parlé à l'épisode précédent. 7 degrés, il y a un mois. Les épisodes. Laisse-moi me rappeler, je crois que c'est 7 degrés. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est moi, déjà. Le temps passe. Ça fait quel sens, Allez, c'est parti. Oui. C'est un carnage, ce truc. Ouais, j'adore, moi. Je trouve que dans un podcast, ça rend bien. Du coup, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Au-dessus de ton clavier, ça fait très réflexe. Il vient de voir. Plot twist, c'est à moi. Hop là! 4 gouttes sur un clavier. Sur un clavier. La prochaine fois, tu te mettras plus loin. À 7 mètres. À 7 mètres, ouais. Eh bien, moi, j'ai pris une bière La Débauche, qui est une bière d'hiver. Ouais. Qui est à 1 degré, qui est caché de 7 degrés. Interdit aux femmes enceintes. Conseillé aux voitures. Ah, c'est marqué dessus, conseiller aux voitures. Roulez bourré, roulez bourré. Pour moi, c'est induit, c'est obligatoire. Ah oui, si c'est pas interdit, c'est que c'est conseillé. Ouais. Enfin, c'est que c'est pas interdit. Si c'est pas interdit, c'est que c'est pas interdit. S'il y a gazon, il y a match. Bon, j'ai pas besoin de gazon pour jouer. Lui, il fait ça sur du synthétique. Et même en solo. Hein. Et même sur Internet. Sur Internet. Et ça mousse beaucoup trop. Ouais. Mais ça a une couleur prometteuse. Ouais, et elle est hyper bonne. C'est une bière du lait. Forcément. Ouais. On va passer le décapsuleur. Ah non, mais non, bon, je finis moi. Ah, finis. Je me finis. Non, mais j'aime bien faire une fois par session. Oui. Enfin, presque. Donc, à nouveau. C'est à moi, mais moi je veux. Hein, je veux pas ça. Ah, ouais. Tu veux l'exterminer. Ah, oui. Alors moi, j'ai une petite mauvaise expérience avec la Blue M&B la dernière fois. C'était pas à mon goût. Donc je me suis dirigé vers un truc un peu plus classique, quelque chose dont le camarade Tofu m'a beaucoup parlé. Popin. La brasserie Popin, c'est dans Lyon. Coin, j'imagine, c'est ça hein? C'est dans le coin. Non, c'est dans Lyon. Production limitée sur avec un logo 15 000 bouteilles. Qui rappelle astucieusement le nombre d'or, je pense. Ouais. Voilà. Tout est déjà vendu. C'est une IPA ouais. Classique, parce que moi j'aime bien ça. C'est 5,7 degrés, c'est une IPA mosaïque. Ce marque est mosaïque, donc je pense que ça s'appelle une mosaïque. Et voilà, ça m'a l'air très bon. Depuis que Toshu m'en parle, j'ai très hâte de goûter. Et bien sûr. Voilà, là, c'est un bestiau. C'est dur le bestiau. Et je donne des capsuleurs à ce cher Bernard. Du destin, en fait, du destin, il est quand même un peu. Mais elle est vachement trouble, par contre. Oui. Je sais pas si j'ai laissé des contours. Mais... C'est le blanc. Laisse un peu respirer. J'adore ce concept d'émission, tout le monde ouvre sa bière, raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec la bière. Bah oui, c'est ça. L'émission se termine, on ne sait pas si elles sont bonnes. Si tu avais tout le monde dit elle est bonne, il faut attendre le troisième épisode pour la savoir. Moi, elle va être bonne. Je vous dis, elle va être bonne. Et il y a du rhum qui me fait. Oui, par contre, il faudra dire aussi qu'il y a un bocal de rhum. Ouais, t'as passé le rhum là. C'est vrai, tiens. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Alors là, en fait, pour ceux qui ont un B&B près de chez eux, ou un petit peu moins près de chez eux, au mois de mars, il y avait le comment on peut dire, le petit festival de la craft beer. Voilà, on va dire le festival de la craft beer. Et nous y sommes allés assez rapidement, et je suis tombé sur une Dogma. Et là, c'est une Dogma albino, et c'est une IPA, mais white. Donc une IPA, une white IPA. Qui viennent de je ne sais plus. Plutôt les white IPA. Quel pays d'ailleurs. Elle est faite en Serbie. Qui fait l'Indien. Voilà donc. Donc c'est une bière qui a le bon goût des Balkans. Ça doit sentir le. L'argent. Fais attention à ce que tu vas dire. Ça sent l'ex-Yougoslavie. Ça sent le yaourt. Ça sent le yaourt. Non, ça c'est mon froc. Ça c'est mon. Ça sent le beurre de taureau. C'est des pollutions nocturnes. Ah ben c'est... Oui, il y a beaucoup de pollutions nocturnes. Donald Trump serait d'accord. Elle fait 6,5 degrés. Et je crois que, par contre... Ah si, alors. Elle peut faire la transmutation, donc elle peut être recyclée. Alors on t'a jamais dit de jamais secouer une bouteille. Oui, c'est vrai, mais en fait... Parce qu'en fait, c'est du... Ouvres par là-bas. Ouais, c'est du bleu clair. C'est du bleu clair sur du blanc. Je vois rien, en fait. Il y a le bonhomme qui la jette dans un container, bien évidemment. Et il y a la transmutation encore. Le problème étant que, finalement, si Will Weaver, il y a droit, ici. Ah. Regardez, en Serbie, comme quoi, on est quand même vachement plus progressiste. Ah. Et après, hein, la touche mobile, je pense qu'il y a droit aussi. Et donc, mais allez, on veut boire, là. Surtout qu'il reste encore des bouteilles à ouvrir. Hein. Une belle mousse, oh la belle mousse! Ouais. En même temps, verser comme ça, c'est terrible. Ah, faut éliminer le verre, monsieur. Toi, tu bosses au Why Not à Martinez, non? C'est ça? Putain. Il te versait la bière comme ça? Non. On va éviter de parler de lui. Ça va t'énerver. Alors, si on a fini de boire nos bières, on a en plus une bière qui vient du salon de la bière de Rodez. Rodez, oui. Et plus spécifiquement de Lozère, même. Oui, et ça vient Cazor, c'est une de Mans, quoi? Spécifiquement. Ça vient d'entre autres. Donc, c'est la brasserie La 48, ouais. Donc la brasserie de Lozère. Pas la A48. C'est une blanche passion qu'on a dégustée lors du salon, qui a vraiment le goût passion et qui est bonne. C'est très podcast. Ils ont une gamme de bières aromatisées aux fruits. Ouais. Enfin, pas aromatisées dans le sens. C'est pas sucré. On rajoute du sirop. C'est pas sucré. C'est pas, voilà, c'est pas sucré. C'est du fruit. Mais ça reste une bière avec l'amertume de la bière et un arrière-goût. Il y a juste l'arrière-goût qui vient. Ça, moi, ça ouais. Coco. Donc on se goûtera ça tout à l'heure. Si on a fini nos bières, mais je pense qu'on les aura finies. Et on a aussi du rhum fait par Monsieur Jonjon. Reste de rhum, effectivement, à la pêche. Je fais généralement chaque année, mais je m'y suis pris un peu trop tardivement cette fois. Mais là, il date de combien de temps? Lui, il a un an et demi, facile. D'accord. Donc, ouais. Un beau bébé. Il est pas mal. Oh là là, il y a du. J'ai vu. Le happening. Oh l'enculé. Oh le con. Mais j'ai laissé la parole à vous. C'est bon, parce que l'épisode, on le termine pas. Un invité surprise. Ouais, du Togoshi Japanese Blended Whisky. Voilà, qu'on va vous faire juste après l'enregistrement de la dernière fois, donc à Noël, et que j'ai ramené spécialement ici, qui n'a pas été ouvert, rien. Et c'est un assemblage de quoi alors ? Et c'est un assemblage de je sais pas lire japonais. Mais ce que je peux te dire par contre, c'est du japonais. Et surtout que c'est premium, parce que c'est marqué, c'est le surtout que je sais lire, mais surtout que c'est le distributeur exclusif, c'est les whisky du monde, et c'est Avenue Kennedy 33-700 Mérignac. C'est à côté. Et oui, on peut aller les séquestrer. D'accord. Tu peux aller leur demander. Voilà, séquestros, c'est entre nous. Et c'est une belle bouteille. Là, tu nous as hypé pour ça. Déjà, c'est plaisir des yeux. Plaisir des yeux, plaisir de recevoir. Et il y a marqué Pensée de Pascal. Chapitre 2, Misère de monde, sans Dieu, 71. Trop et trop peu de vin, ne lui en donnez pas, il ne peut trouver la vérité, donnez-lui en trop de même. C'est du japonais. Ouais, ça, c'est un haïku. C'est un haïkiku. Eh ben, c'est une belle surprise. Voilà. Bon, on arrive. Allez, maintenant, on applaudit. Non, mais bien sûr, on est dans le pays du clopipo, donc on a forcément un clopipo sur la table. Et du coup, bah, santé. Santé. Santé. Santé. Mais pas les pieds. J'ai déjà commencé, mais bon. On est à ce niveau-là. Je dirais la bière. Randall sort. Attends, faut pas creuser. On s'en fout des traditions. Moi, je veux finir par. Je vais finir avec Jojo. Toujours. On s'en remet une petite. Voilà, ça va. Une grande histoire d'amour qui est en train de naître. Les chèvres, toujours. On va avoir besoin de beaucoup d'alcool. Bah, vu ce qu'il y a sur la table, ouais. Je pense qu'on sera pas en reste. C'est pas le moment de fumer, c'est sûr. Nickel. Bah là, je vous ai dit qu'il restait 4 On l'a pas dit la dernière fois, mais cette bière. Nickel. C'est incroyable. Ouais. Moi, la brown IPA, tu sens bien que c'est torréfié. C'est quoi, pas me goûter aussi, moi. C'est mieux que la bière au foin dégueulasse, là. Ouais. Qui était de la région de Bordeaux aussi, d'ailleurs. Ouais, là, on peut le dire. Quand c'est fait de la bouse de vache. Laquelle ? Une bière qu'on avait ramenée. Vous avez parlé la dernière fois. C'était vraiment une bouse de vache, mais on vient de la paille, quoi. Elle était pas mauvaise, mais elle sentait pas bon, c'est ça ? Elle sentait les pieds, quoi. Enfin, elle sentait les sabots. Tu vois. Fallait avoir un petit galet, quoi. Qui ça. Alors là, c'est de la bonne craft beer. Hein. C'est... Ouais. L'effet papillon ? Tu fais papillon, c'est pas, ouais, c'est pas mal. Bah, celle-là, ouais, tu. Tu fais quoi là, il va te dire. C'est des américains aussi. Donc. Mais attends, les autres, ils divergent. C'est pas des verges. C'est pas dans CVT, tu dois avoir plus de 14,58 là. Non. Maintenant, ta gueule. Quoi, c'est bien, on est parti sur CVT. D'accord. Mais CVT, c'est mort. Reborn. Ouais. CVT, Reborn. On a le faux sympathie là. Ça fait longtemps. Ah, ils ont fini, c'est bon là, parce qu'ils sont en train de se goûter les verres là. Ah, on se goûte les verres. On se goûte la bière. Moi, je ne peux pas goûter ma bière, parce que vous avez tous acheté une aussi. Donc. C'est très simple, on va commencer par un dossier de Peter Zertoff. Là. Salut à tous. Merci. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts ? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. En fait, j'ai piqué le dossier d'Asto et son verre de Clopipo. Alors en fait, j'ai repris carrément son concept. Parce que j'ai même le sac rempli de BD à l'intérieur. Mais c'est pas le même sac, c'est mon sac de piscine. C'est ton sac de piscine. Non, c'est quoi l'éditeur ? C'est 6 pieds sous terre qui édite les BD de Fab Caro, Zai Zai Zai Zai. Ah oui. Et si l'amour s'était aimé, la dernière BD qu'il a sortie. Donc voilà. Et si l'amour s'était consenti ? Donc je vais piocher allègrement des BD de là-dedans et vous dire ce que j'en pense. Eh, gros BD. Et les présenter. Ah, le BD. BD on va commencer donc par Ocarina Marina, donc par Monsieur Tran et Stan Silas au dessin dans la maison d'édition BD Kids. Oh là là, qui est ce Stan Silas quand même ? Je ne sais pas qui c'est. Ouais, on est rigolos en interview. Donc ce premier et unique tome s'appelle Face de Bulot. Et toi-même. Et la quatrième de couverture dit « La tradition du royaume sous-marin, que les princesses sirènes passent une année sur Terre pour apprendre à connaître les humains, incognito bien sûr. Et c'est pour se faire et c'est bien se faire ce compte c'est bien se faire ce point non mais oui ce compte ferme il a une petite sorcière au caractère bien trempé, un seul minuscule souci, son déguisement magique de petite humaine ne tolère pas la moindre goutte d'eau, sinon patatras, elle se transforme en sirène. Ah non, il va y avoir du sport. Ah, et moi, c'est en fait une BD Kit, c'est une collection de chez Milan qui fait plutôt de la presse jeunesse. Et ça a été pré-publié dans le magazine Manon. Des petites. Par contre, il faut un peu des yeux de lynx pour lire ce BD. Après, voilà, c'est. Ouais, c'est pas écrit gros. Ouais, non, c'est le format est très petit, je sais comme pas combien ça doit faire. C'est très carré. C'est dégueulasse parce que c'est microscopique. Hein, ça doit faire du 20 par 20 ou comme ça. Ouais, non, et à l'intérieur, voilà, c'est très petit au niveau du caractère, mais c'est le format qui veut ça. Tu peux pas utiliser notre mot que très petit parce que c'est que dans ces gênants-là. Ouais, bah, au niveau de la pré-publication dans le magazine, c'est du A4 classique, je pense. Alors que là, c'est... Voilà, c'est donc acheter un magazine, achetez quoi cette merde. Là, fais voir. Ça a l'air bien. Voilà. J'aime bien cette couleur. Ouais, c'est... Après, cette collection, c'est très enfantin. Ouais. Donc là, on suit vraiment l'histoire de Marina, donc, qui est la petite princesse qui va vivre... Est-ce que Marina a la foi? Marina a un peu qu'elle est drôle. Non. Donc on va suivre en fait ses péripéties, on va voir par exemple son gardien, quand t'as beaucoup de texte. C'est clair que quand le mec le montre au bout de la table c'est tout petit, mais quand tu l'as sous les yeux ça va. Oui, bah après voilà, c'est le texte un petit peu quand même petit. Non, c'est mignon, j'aime bien. Mais après ouais, le dessin de Stan Silas. Ouais, il y a des dessins donc c'est bon, c'est bien. et quand même assez clair, je trouve à chaque fois. Il y a des lignes assez claires. Dans ces différentes BD. Donc là, c'est à chaque fois des courts chapitres de 3-4 pages. Voilà, et qui te racontent vraiment l'histoire. Donc, tu as le premier chapitre qui vient. Donc, Marina arrive sur Terre, découvre, sa famille d'accueil. Découvre les Arabes. Non, parce que c'est il n'y a pas tout ce côté-là. C'est pour les petits enfants. Quoi. Bah justement, c'est des futurs électeurs. Attends. La jeunesse clairienne, t'as jamais entendu parler. Alors, malheureusement, oui. Seul et unique Tom qui va... Non, parce que ta mamie a été tendue à la libération parce qu'elle avait fait du gâteau. C'est vrai, c'est le gâteau de maman. C'est vrai que ta mère mérite d'être azérée pour son gâteau. En même temps, c'est un gâteau breton. Non, c'est de la pierre. C'est du granit. On a cassé 4 couteaux avant d'en arracher un petit bout. C'est ça. Donc malheureusement au niveau de ce tome là il n'y en a qu'un seul parce que le scénariste s'est un petit peu embrouillé avec la maison d'édition. Ah, classique. Donc il a dit fuck les droits d'auteur du... Je sais pas, on m'a pas dit ce qui s'est passé, mais que... Mais vérifiez vos informations, bordel. Manon, préparez vos chroniques, bordel de merde. Manon, c'est l'extra magazine des filles super. Ah oui. C'est Gigi Jeune et Jolie. C'est très rose. Ça va pas rosir, mais non, c'est le magazine super. C'est très rose. C'est très rose, hein, comme tu dis. Je trouve ça un peu oppressant. Je sais pas, moi j'avais Astrapi quand j'étais gosse. J'avais Gemir. Je ne sais pas. Mais j'étais con. Machin bagarre là. Ah, ça a pas du changer. Mais ça a pas du changer. J'étais en plein air. Je te vais sur la couleur. C'est que les jeux, je m'en classe pas. Et que penses-tu du dessin? Eh ben, c'est trop japonisant. Ouais. C'est trop mignon. Merde. C'est mignon du coup. C'est trop kawaii dessiné. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? Non. Voilà, attendez. Vous aimez les chiens? Non, je trouve pas ça moche. Je sais pas. Vous aimez les chiens? Vous aimez les punks? Les punks à chiens? C'est pas mal. C'est joli, ouais. Ça révolutionne pas grand chose, mais c'est mignon. C'est mieux que le dernier Astérix, par exemple. Mmh. Enfin, le dernier Lugardo. Ah oui, ah oui, j'allais dire, Astérix a été quand même assez bien repris. Le dernier était pas trop mal. Ouais. C'était assez bien repris. Mieux que le ciel. Ah oui, c'est le cas avec l'espèce de vaisseau extraterrestre. Bah, c'est celui-là. Le ciel c'est de la merde. Avec la colorisation 3D des IA et les méchants japonais et les gentils américains. C'est vraiment ça. Ah mais c'était ça même. Oui, pas de. C'était une réécriture de Pearl Harbor. C'est ça. En fait, les méchants c'était les Nagma. dans tes mangas. Ah, d'accord, oui. Ah oui, c'était. C'est vrai qu'il a appris gentil. C'était un. Alors que c'était Bush, mais enfin, c'était pas les. C'était pas Bush, c'était le maire. Et c'était Superman qui venait sauver le village contre les méchants qui faisaient du karaté. C'est hyper raciste. C'est non seulement moche, mais en plus raciste. Alors ça, on n'a pas voulu l'interdire, mais maintenant Coco, on a voulu l'interdire. Hein. Ouais, mais ils sont gentils, les Chinois. Voilà. Mais parce que les Asiatiques, c'est des putains de branleurs qui nous veulent notre travail. Il faut de la BD en noir et blanc, putain. Mais oui, il faut de la BD en noir et blanc, les salauds, ils n'étaient que travail. C'était à l'époque où les mangas arrivaient vraiment beaucoup ouais. Avant. Ouais. La BD française, beaucoup. Non, tu n'avais pas utilisé le bon mot. C'était la déferlante. Ouais, la déferlante, mon gars. Le tsunami. Oh oui, le tsunami, comme en 2012. Alors, vous qui l'avez un petit peu feuilleté tout à l'heure pour quoi qu'il se passe, qu'est-ce que vous pensez du dessin? La dédicace, ouais. C'est joli. La dédicace, c'est magnifique. Ouais, ça fait très enfantin, très. Ouais. Bah, après, c'est. Les gros yeux, tu vois, c'est pas mon truc de dessin. Bon, après, c'est Milan, ouais, c'est pour les petites jeunes. Oui, c'est pour les petits. Hein. Ah, c'est pas... Ça fait très BD pour enfants, en fait. Bah, c'est BD pour enfants. Ouais, voilà. Après, certaines fois, t'as des BD pour enfants, mais le thème est. Et plus adulte. T'étais en Congo. Au niveau des histoires, ça doit être. Mais c'est Tintin. Faut les éduquer jeunes. Faut les éduquer jeunes. Tu vois le Congo belge, ça, c'était super. Parce que parfois, il y a des trucs pour les gosses qui les prennent pas un peu pour des cons. Donc, oui, mais voilà. C'est dans cette branche ou. Là, genre, oui. Genre c'est... Zootopie, tu vois. C'est un bon exemple. Là, c'est le cas parce que t'as vraiment l'univers en fait, qui est travaillé et vraiment centré sur le fait que c'est une sienne qui vient vivre un petit peu dans le monde humain. Donc tu vas voir aussi ce décalage de. Bah, c'est une étrangère. Et dans la famille d'accueil, où elle est recueillie, justement, ils ont déjà un enfant dans cette famille-là. Et l'enfant découvre aussi que c'est une sirène. Est-ce qu'il lui dit « Oh, mais tu as une grosse queue ?» Non. Donc, c'est un peu plus... Il essaie d'aborder des sujets, quoi. C'est ça, oui. Même si tu vois, c'est le côté un petit peu enfantin, rigolo. Mais c'est des enfants entre eux. T'as quand même le côté, voilà, c'est, on essaie de parler d'un petit peu la différence de l'utopie. Voilà. Ah non, c'est ça. C'était très rigolo. J'ai beaucoup aimé ça, et surtout les couleurs. Les couleurs sont bien, ça. Ça aurait été distribué par Disney, ça aurait été distribué par Disney sur un Oscar direct. C'est tout ce que j'avais à dire sur Zootopia. Pensez quoi de Coco? Vachement bien. Hein? Pensez quoi de Coco? C'est un très beau film. Pas vu. J'ai pleuré à la fin. Il est très beau. Il mérite un Oscar parce que c'est distribué par Disney. Oui. Ensuite, je vais vous parler de The Private Eyes. Ah, ça, oui, de Brian K. Vaughan, de Marco Marni et de Moonsta Vicente. Moonsta Vicente, c'est-à-dire que c'est une espèce de fusion entre un coréen et donc un annuaire. Donc là, c'est c'est une BD donc, qui est publiée chez Urban Strip en version à l'italienne. Ça a été pré-publié sur. En version Berlusconi. En version non, Syndicate, en fait, sur un site de pré-publication où en fait, tu pouvais donner ce que tu voulais pour avoir les chapitres. Donner à Jean, c'est pour le donneur. Et qui sont directement en fait, traduits. Donc, les chapitres français ont été traduits jusqu'au chapitre de l'histoire 3 ou 4. Au chapitre et ensuite, ils sont cantonnés à l'anglais et à l'espagnol. Donc, au niveau de l'histoire, en fait, c'est Internet est tombé et révélant en fait. Et personne ne l'a ramassé ? Non, et révélant en fait tous les secrets de toutes les personnes qui utilisent Internet. Donc, tous vos petits défauts, vos recherches sur un dark web. Sur tu veux dire que les gens sont tombés sur mon compte X-Hamster où j'ai mis ma photo de ma quéquette, c'est ça ? C'est ça, voilà. Tous ces contextes-là. À côté de celle du Zul. En fait, il a le même grain de beauté à côté. Donc, à côté du testicule. Les deux ont des lunettes, mais il y en a un qui a un accent. On le voit. Il y en a qui est plus proche de Jean-Michel Apathy que de Marx, tu vois. Donc au niveau de l'histoire, donc Internet est tombé révélant les secrets. Mais est-ce que personne n'a relevé ? Oui, lance ta gueule. Et ils ont en fait pris des costumes pour justement avoir des avatars. Et pas révéler leur véritable. Ouais, bon, en fait, c'est la compagnie qui rôle le film, au bal masqué. Ouais, c'est ça. Que tu nous prends pour des cons. Non, c'est eux qui. C'est Brian K. Vaughan qui prend pour un con. Au bal. Enfin, le mec qui a fait. Est-ce qu'il y a Astérix comme, saga. Est-ce qu'il y a Dracula. Donc les gens deviennent des pseudos dans la vraie vie pour pas savoir. C'est ça. Et en fait, on va suivre le parcours d'un enquêteur privé. Un détective privé. Un PI, voilà. Qui justement doit sa première, en fait, le premier chapitre, il essaye de photographier une personne pour découvrir sa véritable identité. Et il se fait courser par le quatrième pouvoir qui est les journalistes. Qui, en fait, du coup, le. Ouais, c'est ça. Et c'est les eux qui ont le pouvoir maintenant. Donc tout ce qui est paparazzi, Slate donc. Ouais, mais ça, c'est le parti médiatique, de toute façon. J'avais prévenu que le parti médiatique. Mélenchon a raison. Laurent Wauquiez a raison. Les journalistes. Et donc, du coup, en fait, l'histoire va passer sur une enquête plutôt policière, parce que la dernière cliente qu'il a eue s'est fait assassiner, et en fait, il va... Il va essayer de remonter le fil. Voilà, il va essayer de remonter pourquoi elle s'est fait assassiner, parce qu'en fait, elle avait rejoint une sorte de secte qui voulait rétablir quelque chose. Est-ce que c'est une secte comme le chanteur de X-Japan ? Ouais. Non. Et du coup, voilà, donc c'est un gros pavé. Ah oui, c'est un gros pavé. J'aime bien le format parce que j'ai l'impression qu'il joue sur les cases. Ouais, ça change. Il y a un côté assez comics, je trouve. Ouais. Bah, mais c'est comics, c'est comics. C'est juste que le format est plutôt à l'italienne, donc c'est du format comics. Bah, les premiers Gaston Lagaffe sont en format à l'italienne. Ouais, parce que là, c'est une version papier. C'est quoi le format à l'italienne ? C'est ça, en fait. Ce format, c'est, en fait, au lieu que ça soit une page A4, tu prends un demi A4 et tu l'étires un petit peu. D'accord. Les fumettes. Est-ce que l'histoire développe bien la chute d'Internet justement et le moment où les personnes vont commencer à avoir des avatars ? Ou alors ça démarre Alors déjà... non, c'est ouais, en fait, c'est tombé. Et tu suis après. C'est le parti pris, c'est tombé. Et c'est après que ça soit tombé, c'est 20 ans après ou 60 ans après, je sais plus. Ok, donc tu nais, tu as déjà ton avatar et tu développes. Voilà, tu te rappelles que la génération, on va dire, précédente, voire ta génération, en fait, a été concernée par Internet. Et du coup, ils ont développé ce mode d'avatar et les petits-enfants et les enfants utilisent ce mode-là parce que c'est ce qu'ils ont connu. Est-ce que chaque avatar est reconnu en tant que personne ? Je veux dire, ou est-ce qu'une personne peut incarner plusieurs avatars ? Alors oui, il peut avoir, en fait. Il peut. Il me semble qu'il y a dans l'histoire justement chaque avatar, voilà, c'est t'as vraiment que le quatrième pouvoir, donc la presse, qui peut savoir à peu près qui est véritablement la personne derrière l'avatar. Il y a vraiment raison, Mélenchon. Oui, mais en tant qu'avatar, tu fais aussi des actes, et est-ce que après, tu avais demandé comme tout le monde, parce qu'en fait, quand les personnes naissent et deviennent adolescents, en fait. Il y a un certain âge où justement ils peuvent avoir un avatar. Et après, faire tout ce qu'ils veulent avec leur avatar. Ils ne savent pas qui est derrière, mais ce qui est enfant et adolescent, en fait, sont normaux. Normaux. Oui, après, il y a des trucs très. Un petit peu glauques. Ouais, le graphiquement, tu vois, je suis tombé sur quelques pages là, ça me faisait penser à. Je ne sais pas dans quelles éditions c'était Glénat, c'était Betelgeuse. Graphiquement, ça me fait un peu penser à ça. Par contre, définitivement, tu vois, je préfère les croquis qu'il y a à la fin que les illustrations qui font. La première page. Qui font le bouquin en lui-même. Je préfère vraiment les crowbars de construction, de recherche. C'est trop net. Trop d'aplats de couleurs. Mais ça, c'est purement personnel. Après, je suis pas versé dans la BD pour avoir vraiment un avis pertinent là-dessus. Ça, c'est annoncer les choses. Alors, après, où est-ce que ça a été pré-publié que je recherche le. Dans ton coup. Non, le site justement, parce qu'il y a d'autres histoires. C'était pas sorti sur Humble Bundle. Des formats comme ça fait peut-être début, ouais. c'est plus recherché ou. De quoi ? Parce que non, les formats italiens là comme ça, c'est courant. Bah, c'est l'objet, hein. Non, c'est non, peu courant quand même. Je te dis, les premiers Gaston étaient sortis sur ce format-là à l'époque. Après, les formats italiens, moi j'en ai une grosse collection à la maison, mais j'en ai vraiment, c'est vrai, très très exceptionnel. Il y avait un livre du Seigneur des Anneaux comme ça, qui était dessiné par Le Cureux, celui qui faisait Arthur ou Merlin. Je crois. Et c'est un très joli livre aussi comme ça. Ouais. Non, pas vraiment celui-là. Ouais, les premiers Gastons c'était comme ça, même encore plus à l'italienne, tu vois, c'était même encore plus les Gastons. Ces Gastons-là, si tu les as en néo, t'es riche. C'est comme la première édition. En plus, c'est sur du papier de merde qu'ils ont fait, hein. C'est du papier bas de gamme de Spirou Magazine à l'époque, donc c'est. Oui, c'est genre les journaux à l'écran. C'est ça, ouais. Je suis papier de merde pour le journalier. Troisième BD, pardon. Ah, tu l'as acheté, ah, ouais. Non, c'est chez un nouvel éditeur, donc High Comics. Donc c'est la branche et c'est Rick and Morty. Là, je suis pas bien parce que j'ai adoré la série, mais si la BD n'est pas à l'auteur... Alors, moi, j'ai pas accroché à la série. Moi non plus. Et j'ai juste pris le premier tome pour voir ce que ça pouvait donner. Parce que c'était fait par Matt. Non, c'est ça. Non, c'est pas lui qui. Non, c'est Sullivan qui gère ça. C'est Sullivan. Oui, non, mais c'est pas. C'est pour voir, voilà. Et j'accroche pas non plus en fait à l'histoire. Parce que les, mais renvoie-le sur le bon coin. C'est. C'est bah, en fait, c'est un épisode et bah, l'épisode se contient en lui-même. Et des fois, t'as pas de suite logique entre ce qui se passe dans l'épisode en lui-même. Et dans les chapitres, bah, c'est d'anthologie quoi. C'est ça. C'est en fait t'as l'univers et il se passe toujours un truc à la con dedans. Donc au niveau de l'histoire, c'est bien dessiné et tout, mais j'accroche pas justement au fait que bah t'as pas de suite. T'as le premier chapitre qui va se passer et t'as le deuxième. Je sais pas si c'était la suite directe du premier chapitre ou non. Et donc du coup, à la lecture, bah, j'étais un petit peu déboussolé pour dire, mais je comprends pas, est-ce que ça a un rapport à ce qui a été dit dans est-ce que c'est canon avec la série aussi? C'est canon. Après, c'est juste que du coup, c'est des... Après, c'est pas une adaptation de la série en BD, c'est vraiment des histoires inédites. Tellement. C'est en parallèle. Voilà, c'est en parallèle. En fait, c'est au lieu que ça soit en dessin animé, c'est de la BD. Joli. Ouais, après c'est comme l'animé, ouais, c'est pas les enfin, c'est un certain style, un certain découpage, faut mais ouais. Pas adhérer. C'est un style assumé, c'est déjà ça mais vas-y, regarde, moi je connais donc graphiquement le premier truc que nous a montré est bien mignon que ça. Oh là là, que c'est vilain. Non, c'est pas après ça reste dans le style graphique du de l'animé, l'animé n'est pas réputé pour avoir une BD des Simpsons quand ça sortait. Ouais. Ah, ouais. Bongo, c'était. Oui. Et j'étais abonné avant quand ça sortait en fascicule les Simpsons. Ah, Simpsons aussi. Ouais. Avant qu'ils arrêtent et qu'ils sortent. Est-ce que avais-tu le numéro 0 qui était rendu, que t'es donné qu'il fallait être abonné Canal Plus pour avoir. Canal Plus. Canal Plus, oui. Canal Plus. Samedi soir. Premier samedi du mois. Niveau graphique déjà, je sais pas. Non, c'est pas ça. Ouais, non. Je connais pas Rick and Morty. Moi, Rick and Morty. De toute façon, tout ce qui est. Truc américain, c'est que tu es un peu réfractaire. Bah, sport, ouais, tout ça, c'est pas ton. Sport, les Simpsons, je suis pas. Ah, les Simpsons, pour moi, ça reste. C'est chiant, je suis pas dessus, ça devient chiant. J'ai vu la saison 23. Oui, j'ai pas. Non, mais il y a une bonne meilleure amélioration parce qu'au moment où ils étaient passés un petit peu, tu sais. J'aime bien Archer en ce moment. Archer, c'est cool. Archer, ouais, c'est. Sauf la dernière saison qui était un peu chiant. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu les épisodes quand ça passait anciennement sur France 4 dans. Moi je préfère Arthur, c'est mieux. Réanimé. Arthur, c'est mieux. Où justement, oui, c'était le créneau sur France 4 des dessins animés, mais plutôt pour adultes. Donc vraiment, Archer, il y avait. Rick and Morty qui était dans ça. Il passait certainement. Il passait des animés aussi, je crois qu'il passait l'attaque des titans, je crois. Oui. Et pas l'attaque des petits flans. Ça ne vaut pas oublier les cafés. Marc, pour ta vie, c'était. Franchement, Oggy et les cafards, mais je me suis ultra fan. Ah ouais, pareil. C'est incroyable. Les anciens de l'espace. Ouais, les anciens de l'espace. Je suis moins fan. Ouais, bah c'est le même. Oggy, c'est vraiment. Mais c'est exactement pour ta vie, aussi. Mais c'est super. Même le Lucky Luke, tout ça, l'ouest, c'était pas mal. Il y avait des bonnes idées dedans. Mais Oggy, ça reste leur. Ah, mais c'est pour moi, c'est création. Ma soeur. Moi, c'est la Warner et Oggy, tu vois. C'est ça. Le cartoon, c'est ça. Ils avaient tout repris. Non, pas Macam non plus. Tout ce qui est dessin animé. Déjà, Rick and Morty, j'avais été déçu. Occidental pour adultes. Mais graphiquement, l'animation de la série. C'est déjà l'animation, c'est vrai que l'animation de la série, moi déjà, c'est angulaire, c'est classé. C'est ça moche. Zévis, c'est ça. J'aime pas. C'est un style de passage. C'est une série qui est très très débile et très vulgaire et gratuitement. Le dessin est absolument minable. Oui, je vois, ça y est. Baby, oui. C'est le dessin est vraiment dégueulasse, oui, c'est je vois. C'est un sambal. Sur toi, un petit peu le même graphisme, character design, un petit peu dans le même. Enfin, pas ligne claire, mais un petit peu. C'est les maîtres de l'univers que tu veux commencer à t'animer déjà. Oui. Ah, tu chopais une bonne chasse, ça. Ah, encore. Toujours. C'est un problème avec l'autre duc. Ensuite, on va passer à Renato Jones, les 1%. C'est chez Iconix, ça c'est non, non, y a Aquileos. Il y a un titre invisible. Et dessus, oui, c'est marqué aussi, les super riches, longs, super profonds. Ouais. Et derrière, il y a du vernis. Genre, il faut un bel objet. C'est marqué qu'ils viennent me chercher, C'est combien? Ça coûte combien? Parce que quand même, c'est un joli jeu. 17 euros. Ah, c'est un donc, c'est du genre Carver. Chez Panini, tu ferais ça à 40 balles. Mais c'est Panini. Attends, il y a Captain America dedans. C'est Panini. Du coup, t'as du papier dégueulasse. J'ai pas de. J'ai pas le nombre de pages. Zéro com. Ah oui, donc, c'est écrit, créé, écrit, dessiné, colorisé et possédé par Kyle Andrews. Donc c'est ce monsieur qui fait les dessins, le scénario, la colorisation. Donc c'est, on va dire, son petit bébé. Ça a l'air classe. Ouais. En tout cas, l'objet est beau, hein, déjà. L'objet est beau. Ouais. Le vernis sélectif est excellent. Le vernis sélectif, ça fait toujours son petit effet. Ouais. C'est bizarre, il y a autant de pages que dans un intégral Panini. Non, c'est moins l'enculerie. Mais je suis pas sûr. La jaquette est tellement belle que t'as presque peur. Ouais, non, c'est joli. Après, c'est lui qui fait tous les dessins. Donc c'est. Après, il y a un joli sens du découpage déjà. Il joue, il joue avec les codes justement du découpage du noir et blanc justement sur les premières. Ça se passe dans le passé. Ouh là, t'aurais pas dû m'en montrer ça, mon coco. Alors, c'est très, au niveau très, de l'histoire, très donc ça raconte en fait l'histoire d'un gars qui vit plutôt dans une famille très très très riche, pour l'histoire du tous les 1%, qui dirige un petit peu le monde. Je pense que ça va te plaire. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le donc dans le premier chapitre, on découvre que c'est un orphelin qui ressemble à un gamin de riche qui est porté disparu. Et il va prendre sa place de ce gamin-là. Parce que dans les premières pages, on comprend que c'est pas du tout lui. Et en fait, on apprend que la grand-mère de ce gamin a tué. Il y a plusieurs types de codes qui sont son fils ou sa fille et son partenaire et l'enfant pour toucher l'héritage. Donc, la grand-mère sait que le garçon n'est pas Renato Jones. Attention, il y a du mindfuck. Et là, du coup, c'est. Il s'appelle Renato, alors. Ouais, Renato. Qui s'appelle c'est Renato. Là, déjà, tu commences à voir le lien qui va se faire entre. En fait, c'est un gamin des rues qui va mettre misère aux 1% qui détiennent le pouvoir. Atlas Hermi. Elon Musk. Brr. Bill Gates. Brr. Brr l'espace. Brr les 6 blancs hétéros. Ouais. Brr. Donc, au niveau du dessin, c'est très. Chaque page est une œuvre d'art. Ouais, c'est pas c'est pas du réel. Oh, il y a des poupous. Et justement, ce qui joue dans cette collection-là, c'est qu'il y a des fausses pubs. Ouais, ouais. Mais vraiment de produits de luxe. Donc là, il y a une page sur un produit. C'est un pamphlet. Un produit, un parfum. Critique au vitriol de. Mais c'est ça, des riches qui détiennent juste le pourcent. Ouais. Et t'as vraiment toute une histoire aussi des servantes. Enfin, qui sont là, qui sont juste. Est-ce qu'elles sont écarlates? Non, qui sont en fait. Qui sont juste utilisées en fait. Mmh. Elles sont là, si elles font un truc de travers, hop, elles seront passées dans la seconde. Et justement, Renato Jones va récupérer cette servante et lui donner un meilleur cadre de vie. Justement, elle va un petit peu la sauver. C'est comme les boules du dragon en fait. C'est malin ça. D'ailleurs, tu as pas vu cette BD qui est sortie d'ouvrir ces fausses pubs, ça me le rappelle, il y a une BD qui est sortie, en fait c'est que des fausses couvertures de BD. Non, ça m'a. C'est un exercice de style assez intéressant. Ouais. Le mec à chaque fois en fait il développe une idée par rapport à une seule couverture quoi, sur chaque page. Bon ouais, David, tu fais croquer les cousins alors... ou. Moi, je suis fan de celui-là. Tu fais croquer, frater, ouais, mais tu n'es pas le saint, toi. C'est ton frère. Ouais. Et du coup, justement, dans cette édition, tu as plein de. Petits bonus. De bonus. T'as dit que c'était chez qui ça? Aquileos. Aquileos, c'est pas. Aquileos font des jolis trucs. Hein. Tu as plein de bonus, justement, sur l'univers, comment il a créé. Donc, le storyboard, la création des personnages, les idées qu'il peut avoir dessus. Je trouve déjà. Moi qui adore la BD, je trouve déjà l'objet. C'est le Rick and Morty à ça. Ah oui, non, c'est le jour à la nuit. En plus, là, putain, tu prends, c'est neuf. Ouais, ah oui, ça, le neuf. Tu prends n'importe quelle page, c'est bon, quoi. Non. Ça, c'est vraiment du bel objet. Hein. Franchement, chez Panini ou chez DC, tu aurais senti ça à un prix totalement indécent. Là, ouais, ça, c'est pour 17 euros, t'as. J'ai vu des enculeries. Je crois que t'as plus de 6 chapitres. Parce que normalement, ouais, les TPP, c'est. Non, non, c'est bon. Enfin, je sens que j'aime le prendre. Graphiquement, c'est réussi. Ouais, c'est du parti. Il y a un parti pris au niveau de l'histoire. Il y a des. Oui. Hashtag. Bah, après, c'est des riches. Donc, t'as tout ce qui est aussi côté. Ils font tout ce qu'ils veulent. J'avais lu ça sur Elon Musk aussi, parce que pourquoi il aimait envoyer des trucs dans l'espace aussi, parce que tu vois, c'est ce côté aussi qu'a le riche à pouvoir le faire, tu vois, à pouvoir pas montrer aux gens qui sont pauvres, non, aux gens qui sont riches, tu vois, aux autres riches, tu vois, moi je peux m'envoyer des fusées dans l'espace, je peux les faire atterrir sur des barques là, je peux les faire un petit créneau, tu vois, il y a ce petit côté là aussi, tu vois. Il y a surtout faire un côté du genre, je peux envoyer une fusée, la faire revenir. Parce que la NASA n'arrive pas à faire. Voilà aussi. Il y a les deux. Tu vois, il y a les deux. Parce que c'est les deux côtés en fait. Oui. C'est, il est riche, il peut le faire. Donc, qu'est-ce qui l'oblige à envoyer des fusées dans l'espace? Il n'en a rien à foutre. En plus, j'engage de bons ingénieurs. Voilà. En fait, le mec, c'est clair. Une bonne idée. Et c'est faisable. Bah, après, on peut y avoir des bons ou des mauvais côtés. Ton narcissique n'est pas forcément mauvais côté. Non, mais je suis en train de réfléchir justement à ce que tu dis, à la personne d'Elon Musk. Moi, de tout ce que j'en entends, pour l'instant, quelle que soit sa personnalité, il réussit quand même à faire des choses, où il réussit à mettre en œuvre des choses qui sont techniquement possibles et qu'il suffit de faire par volonté. Il suffit de le faire. Oui, voilà, oui. C'est ça. Je pense que je suis désolé, si un particulier comme Elon Musk, quelle que soit sa fortune, est capable de le faire, tu ne me feras pas croire que les Français, que les Allemands, que les grands groupes, que les millions de gens qui le veulent, courir après de l'argent, ne peuvent pas faire avancer la technologie. J'en avais parlé avec. En fait, l'internet pour tous, et sans exception, ça passe par là, ça passe par envoyer des satellites. Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste la volonté. C'est jamais une question d'argent ou une question de motivation. C'est une question de volonté politique. On en revient toujours au même problème. De politique de société. En France, il y en a souvent des problèmes. Là, c'est mon père qui travaille pour une compagnie qui travaille donc pour l'aéronautique. Il y a un nouveau projet de réacteur qui arrive. Et au lieu d'envoyer les vieux de la veille qui sont super calés et qui connaissent tout bien, ils ont mis les petits jeunes qui viennent d'arriver et ils ont fait que de la merde. Donc ils ne sont pas concurrentiels et ils n'arrivent pas à boucler un projet. Parce que ceux qui ont de la bouteille et qui savent faire ne prennent pas le risque de mettre leur nom en jeu. Mais c'est vrai. Il y a plein de chirurgiens, tu vas à l'Union par exemple, pour pas citer un hôpital, à Toulouse, ils opèrent que les mecs qui peuvent opérer, quoi. Vraiment eux, tu vois. Ils prennent zéro risque, ils veulent pas salir leur nom. Mon père qui avait des gros problèmes de dos et qui était diabétique en plus, par-dessus le marché, il a reçu des refus de partout. Parce que, on va pas prendre le risque de vous opérer, monsieur. Bah, si on rate. Même si on rate, monsieur. Parce qu'ils ont eu derrière des clients qui. Et oui, voilà. Ils ont pris le risque et puis ils se sont fait poursuivre quand même. Tout simplement, c'est ça. Ils font un démerdez-vous. Donc, en fait, j'ai eu ce débat-là, quand je parlais d'Elon Musk, en fait, c'était dans Courrier International, il y a toujours une page où ils te mettent un article pour, un article contre. Et pour la fois où Donald Trump avait réautorisé la chasse à l'éléphant, ils avaient arrivé à mettre un article contre, mais évidemment, il y a un article pour. Et qu'en fait, ils disaient que le pour, pourquoi chasser les éléphants finalement ? Mais en fait, ça permettait finalement, bizarrement, de les préserver. Parce qu'en fait, les locaux arrivaient à rattraper de l'argent par rapport aux éléphants. Si on part pas pour tous les fléguer d'un coup, bien évidemment. Si on fait un cercle vertueux, en fait, l'éléphant retrouve une valeur, malheureusement fiduciaire, valeur financière, commerciale. Du coup, on le préserve. Parce que si l'éléphant ne vaut rien, on n'a qu'à tout bétonner et puis l'histoire, elle est réglée. Quoi. Il y a vraiment un angle d'attaque sur les informations que je n'accepterai jamais. C'est même pas que je le comprends pas, je l'entends, je le comprends, mais je l'accepte pas. Mais tu vois, ça ferait vraiment réfléchir. Tu te dis, oui, quand même, ouais. Parce que c'est chaud, frère. Maintenant, on prend le problème. Transpose le problème chez nous. T'es tombé sur la Imagine que t'es des extraterrestres qui arrivent et qui déclarent que la Terre est une zone de chasse. Ah oui, mais complètement. Pense à l'éléphant. Bah oui, voilà. Mais après, je mets chaque chose à son truc. Ça fait réfléchir, quoi. Hey, ah, t'es tombé sur les tétons. Érection spontanée. La bouteille est très jolie. Ah, si, j'ai vu. La bouteille est très jolie. Autre BD, Super Caca. Putain, mais il fait du recyclage. Mais je t'avais dit, c'est ton enculeur. C'est ton enculeur. David n'était pas là. Toi, je vais pouvoir dire que le sticker sur la fraise. Donc, au scénario, David Mournier, au dessin, Stan Silas, à la colorisation, Valérie Serio. Donc là, on va suivre plutôt un Mickey. C'est un shonen en BD. Donc, bah, c'est en fait ça, c'est la création d'une équipe de personnes avec des super pouvoirs qui ont des. C'est que c'est pas manga qui vole l'argent des auteurs français. Bah non, parce que là ils sont tous français. Et il y a même un breton dans le lot, donc. Est-ce qu'il mange des gâteaux? Il mange des poquis. Est-ce qu'il mange des gâteaux? C'est des cailloux. Voilà, donc on va suivre l'histoire de Lucas, qui est un petit garçon. On peut pas tourner la BD, on l'a déjà lu. Bon, moi, je veux sentir... Je l'ai fait tourner parce que j'en veux pas. Du caca. J'ai récupéré ce qui est en face. Ça sent pas le mien. Ça sent pas la fraise, c'est juste de la gueule. Ça sent le tagada. Ça sent le tagada un peu fatigué. M'intéresse pas. Il y en a d'autres de sorties de ça? Non, il y a... En France, en tout cas, il y a... Non, c'est récent, ça. Même tu vois, moi, je suis pas... Je comprends pas. Si, il y a un truc graphique. Ouais, mais je... après, moi, j'ai pas les codes de la bande dessinée. Ouais, c'est compliqué. Oui. Voilà, y a moi, j'ai bifurqué un moment où tout a explosé et je pouvais pas tout suivre en même temps. Et du coup, bah, plutôt que de. Moi, je suis très dans les blancs. C'est classe. Après, sur les premières pages. On irait du Frank Miller qui a survécu. Je comprends pas les codes graphiques. Donc, du coup, pour info, on est revenu sur Renato Jones et les 1%. On parle, voilà, on feuillette, on parle de la première partie qui est en noir et blanc, moi qui me fait très penser à 300. Oui. Ben c'est mais ça, sans le côté. Voilà, c'est vraiment du noir et blanc. En fait, c'est Frank Miller qui a survécu parce qu'il n'est pas devenu facho, quoi. Et t'as le contraire à la fin. Voilà, c'est ça. Avec une page blanche et le petit fond de l'avion. Ouais. Il fait des BD de merde maintenant. Enfin, en plus d'avoir une idéologie de merde, il fait des BD de merde surtout. Enfin, c'est. Bon, plus gênant parce que des fois on dit oui, il faut séparer l'œuvre de son je sais pas quoi. Bah ben, lui, que ce soit l'œuvre ou l'idéologie, il du cul. Donc du coup on est passé super rapide sur Super Caca, qui est une histoire en 3 tomes. Super Caca. Non, non c'est joli, j'aime bien. Non, c'est mais rigolo, mais je connais, je l'ai vu tout à l'heure. Oui. On l'a déjà vu tout à l'heure. Il y a moi. Non, parce que c'est dans un quoi qu'il soit. Ah, il y a un mois. Un mois et demi. Fraté, c'était vieux, Fraté. Alors du coup, on va enchaîner le deuxième qui est Les Lapins Crétins de Romain Pujol et Petit Homme. Mais t'es une espèce de petit enculeur, toi. Donc c'est chez aux éditions. On va faire une vraie chronique sans avoir copié-collé quelque chose. Oui. Donc j'ai préparé, donc j'écris les trucs. C'est dans les éditions Les Deux Royaumes. Actuellement, ouais, il y a des trucs plus Ubisoft, ouais. Les Deux Royaumes. Il y a, oui, parce que c'est Assassin's Creed qui est aussi chez. Qui était fait par Defali d'ailleurs. C'était pas mal. Ouais. Donc il y a 10 tomes actuellement. Assassin's Mood. Les 9 premiers sont dessinés par Romain Pujol. Et au 10e, il y a un nouveau dessinateur qui est arrivé que je sais pas qui c'est d'ailleurs, parce que ça doit être assez récent, je sais pas. Ouais. Donc pour revenir vite fait dessus, donc c'est les. Trip des lapins crétins, donc c'est vraiment des histoires très courtes en 3-4 cases. Mais pas que, mais après, ouais, voilà, t'as vraiment une. Un détournement des codes de la BD qui est assez intéressant. C'est surtout ça qui fait le. Oui, moi, c'est pour ça que ça m'a vachement plus intéressant. Je suis tombé sur la série quelques fois et c'est débile. Et, la série animée aussi, ouais. J'ai bien fait, mais c'est débile. Voilà. Pour moi, c'est insupportable. Ouais. Alors que là, ça a quand même l'air d'être beaucoup plus intéressant. Oui, parce que justement, ça joue avec le côté médium du papier de tourner des pages. Ouais, donc il y a un lapin qui se reproduit avec une vache à un moment, donc oui, après c'est assez crétin, mais il y a des très bonnes idées. dans un des tomes, en fait, il y a une histoire de voyage dans le temps. Et en fait, ah oui, il y a un lapin qui voyage en fait à travers les pages. Oui, il voyage à travers les pages en avant, tu le vois pas. Du coup, le mec arrive, tu sais. Des fois, il comprend pas, et quand tu tournes la page, en fait, t'as donc une première page avec une page de gag qui se conclut. T'as juste le lapin qui arrive. Et lui, il a sa propre histoire, en plus, dans la BD. Mm. Donc, des fois, en fait, tu as plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Et à la première fois, en fait, tu comprends pas forcément les blagues. Et ça a le mérite d'être très... comment ça s'appelle? Tu feras gaffe, Pépé. Très instinctif, en plus, ce détournement des codes. Ton clavier qui a tout bougé. T'as posé le bouquin sur ton clavier. Ça fait des barres espaces. Je pense que le conducteur a un peu bougé. Oh merde. C'est très natif aussi comme détournement du code. Non mais c'est vrai. On rigole. On l'avait pas dit dans cet épisode-là natif. Nativos. Et parce qu'il y a pas, il y a pas mal de trucs, essayer de digérer des codes d'à droite à gauche. On a pas mal de trucs, essayer de digérer les codes des trucs des années 80. Pour moi, c'est un anime, c'est le bout de loin. En fait, c'est du Canada Dry, hein. Il y a pas mal de trucs. C'est nous faire croire que c'est très années 80, tout ça. Et là, non, je fais non, c'est une, je trouve que c'est une belle digestion des goûts de la BD. J'aime beaucoup. Non, mais oui, c'est. Je trouve ça très drôle. Mais en plus, ça n'a pas de prétention, toi, ça n'a pas de prétention de vouloir te faire croire que ça va être ronflant et tout. Tu peux peut-être, vu comme ça, tu peux peut-être avoir le côté mercantile, voilà, on essaie de jouer. C'est Lapin Crétin, on fait des BD dessus, mais en fait, c'est pas que ça, justement. T'as, c'était la première approche, mais ensuite. Ah, mais c'est BD. Plus intelligent que plein de BD qui sortent déjà. Mais ça touche pas à mon poste. Voilà. Ah oui, la BD touche pas à mon poste. Voilà. Du film, donc quoi, ils ont fait une BD. Mais non, oui, mais non, moi, c'est non, mais pas, c'est les, mon pote, mais c'est les, BD. Non, non, je savais même pas que c'était Stéphane Plaza. Un, ils ont fait une BD. Oui. Deux, quelqu'un qui s'est fait dessiner. Ah non, mais comment c'est même pas dessiné. Toi, même moi qui ai une BD sur Rémi Gaillard, bah je préfère quand même ma BD Rémi Gaillard que des BD. Mais non, et la BD du JDG. La BD du JDG, ça va, je crois. Ouais. J'ai entendu. C'est pas trop mal. Voilà, c'est pas. Bon, après, j'ai une BD aussi sur, Super, pas... sur Didier Super. C'est donc, pas double, quoi. Ah. Ça, c'est des gens qui ont du talent. Alors, j'ai aussi des BD. Donc, non, les... ça sent la grosse connerie. Par contre, les BD noob. Ouais, par va. Cordonin et Torta, ouais. C'est plutôt c'est pas mal. Ouais, c'est pas ce qu'ils font, c'est qu'ils sont. Ouais, voilà. On en revient toujours à un problème de personne. Bah, c'est... Ils sont très gentils, après, j'ai rien contre personne. Dès qu'il y a des humains, enfin. Ouais. Pour en revenir. Il y a moyen de gagner 4 sous. Un million pour un que j'ai mis. C'est ça. C'est ça qui est un peu. Ça, c'est plus l'arnaque que Canard, mais c'est pas contre. Ils ont tort de ne pas en profiter. Hein. Oui, et bah, les gens sont crédules au bout d'un moment. On les achèteront des caméras. C'est comme Coluche, ce que disait Coluche. Hein. Les cons, ils sont cons. Les gens sont assez cons pour acheter des trucs. Non, ils ont tort de pas en profiter. Ouais, ouais, voilà. Le vrai problème, il n'y a pas d'eux. Non. On en revient un petit peu. Si TF1 fait de la merde, c'est parce qu'il y a des gens qui le regardent. Et qui en demande, c'est ça le pire. Vendredi, tes permis, c'est très bien. Mais est-ce que parce qu'il y a des gens qui demandent de la merde qu'il faut leur donner? Non, mais c'est est-ce que moralement, c'est juste. Voilà. C'est tellement habitué qu'ils gueulent. Oh, le podcast. Il y a deux aspects. En même temps, est-ce que donner de la merde, ça peut pas créer un esprit critique de la part des autres personnes? C'est peut-être mal nécessaire. Ouais, mais s'il faut abrutir des masses pour réveiller 10 consciences, non, je trouve que c'est cher payé. 14-18, c'est fini, la chaleur à canon. Maintenant, les faits, si tu leur enlèves, les gens gueulent. Mais oui, voilà. Ah bah, oui, c'est on en revient au. Quand Astier était chez Morandini et qu'en face il avait deux abrutis qui disaient on veut pas se prendre la tête. Il y a une différence entre regarder des trucs intelligents et se prendre la tête, c'est pas pareil. Oui. Oui. Non, mais ouais. Malheureusement. Oui. Donc pour en revenir sur les lapins crétins, donc chaque. Non, c'est mal, au moins, oui, c'est moi je au moins jusqu'au. Je dois avoir jusqu'au 7 ou 8. Ouais. Ils ont jamais foiré cette licence finalement. J'ai l'impression que tous les gens étaient plutôt bons. Oula, ah oui, par contre, oui. Par contre, dans la licence, on a parce qu'il y a une version Xbox One qui était un peu. Comment ça s'appelle? Avec le Kinect, c'est pas top. C'est pas une console, ça. Ouais, voilà. Mais bon, c'était mieux que Dragon Ball Kinect, qui était une merde intersidérale. Voilà. Par contre, ouais, le dernier épisode sur Wii était une catastrophe. Il y avait deux contenus. Derniers jeux sur la Wii étaient des catastrophes. Oui, par contre. Oui, c'est vrai que vu plus sous cet angle, au moins. C'est pas le problème de la Wii. Hein. Un excellent concept et énormément de merde. Ouais. Par contre, le jeu La Grande Aventure, La Lapin Crétin, moi je recommande sur Vim. Ouais. Même le party game, il était marrant. Oui, mais ouais, franchement, rien que pour la musique. Rien que pour la musique. C'est des soirées jusqu'à 6h du matin. C'est quand même une des licences qui a supplanté, on va dire, la licence d'origine. La licence d'origine. Parce que ça vient de Rayman. C'est juste des ennemis de Rayman, il me semble. Oui, Rayman contre La Lapin Crétin. Ils ont créé leur propre identité derrière. Ils sont complètement crédés, ils sont moches en plus de eux. Voilà, donc c'est une très bonne BD pour les mecs qui sont très bon public. Il y a des gars qui sont vraiment cons là, par exemple. On en parlera à Mario aussi. Mario la lapin crétin. Là, les deux cases de BD, justement, t'as le lapin crétin qui essaye de se faire prendre en photo. Tu comprends pas, donc tu vois qu'il est assis sur un tabouret avec une pape et tout. Et en fait, tu vois qu'il s'installe, donc tu as plusieurs cases comme ça. Et en fait, à la fin de la page, tu vois qu'il commence à s'endormir. Et là, il y a la photo qui se prend. Mmh. Et en fait, c'est un radar. Et tu vois, tu as des trucs vraiment très cons. mais qui fonctionne. Et t'as, voilà, t'as, un coup c'est ça, un coup c'est rechercher Charlie, rechercher un truc. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en trois cases, voilà, t'as le décalage. T'as une situation, une transition et t'as le truc. Ouais, c'est ça. Un cul, je l'ai pas vu arriver. Et ça, c'est dur parce c'est que cool, c'est cool. Aussi, c'est très souvent, c'est un parole. Le principe est con. Trois cases, tu peux pas faire plus court. Ouais. Mais c'est bien fait. C'est du soir. Par exemple, c'est bien fait. Ouais. Sur celle-là, donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, t'as en trois cases, mais sur une pleine page, t'as. Oui, d'accord. En trois, t'as vraiment, en fait, et ça joue avec le code de la BD. Mmh. T'as la première case, on fait merci de pas maltraiter ce lapin. La case d'après, en fait, t'as l'écriture qui est à l'envers, donc t'es obligé de retourner la BD. Pour le lire, et le dessin, en fait, c'est le lapin qui tombe et qui se pète la gueule sur le sol quand tu retournes. Voilà. Et quand tu retournes, bah, tu vois qu'il retombe et tu fais merci de votre compréhension. Donc, c'est plein de petits gars qui jouent avec justement les codes de graphiques, graphiques et avec l'objet. Les codes graphiques, c'est très dur. Moi, je connais pas beaucoup de BD qui ont joué avec les codes graphiques. Déjà, même, c'était le principe de la linéa. Dessin animé, excellent. Excellentissime d'ailleurs. Qui ressort l'interaction, là, je crois. Ouais. L'interaction avec l'interaction, l'extérieur. C'était l'interaction avec l'extérieur, et puis c'était vraiment, il y avait pas de parole en fait. C'était vraiment. Oui, le mec, c'était italien, mais voilà, on comprenait pas ce qu'il disait. Sur les faits, sa réaction en fait, bah, tu voyais que. Quelque chose de très organique, comme je l'appellerais. Ah, c'est ça. Histoire de continuer dans la thématique, jouons avec les codes de la BD. Ah. Imbattable, seul super-héros de la bande dessinée. Bisous sur Vin. Parce que je sais que j'ai énormément de bien. C'est exactement dans la même lignée que les lapins crétins, en fait. Va même peut-être un peu plus loin, même encore. Et c'est plus loin, parce que là, sur le premier tome, donc, c'est Pascal Jousselin. Ouais. Donc, au dessin et au scénario. C'est pré-publié dans Spirou, dans le journal Spirou. Ouais. Et en fait, c'est pareil, c'est un super-héros qui joue justement avec les codes. Ouais, c'est un super pouvoir, c'est de jouer avec les codes de la BD, quoi. Et tout est basé là-dessus. Par exemple, tu vas voir un moment, voilà, donc sur la première page, on voit sur la première ligne, en fait, qui voit sur la ligne du dessous les événements qui vont se passer. Donc, il va arriver à anticiper, à sauter dans les cases. Et en fait, tu as vraiment plusieurs niveaux de lecture. Alors, parce qu'il voit les mecs arriver, du coup, ils sortent. Comme ça. Ouais. Putain, mais c'est Comic Zone. C'était énorme le concept. Voilà. Et tu as le même principe un peu framed aussi, qu'il faut aller faire suivre des cases de BD aussi, qui est assez intéressant là-dessus. Bon, c'était moins méta, mais. C'est grand ça. J'adore. Et ouais, celui avec le chat est vraiment. C'est pas un beau gosse, quoi. C'est ça qui est. Oui, voilà, c'est vraiment le héros plan blanc, en fait, qui fait vraiment un peu ici pour être là, tu vois, c'est un peu, ça me tombe dessus, quoi. Et t'as plein de situations, justement, qui jouent avec les codes de la BD, mais aussi l'objet BD. Donc, comme pour les lapins crétins, c'est le même principe, tu vas pas avoir les mêmes, forcément, Les mêmes gags, mais c'est, par exemple, tu vas avoir dans... Du Greg, du Fred, dans Imbattable, en fait, à un moment, tu vas avoir un ennemi qui a le super pouvoir, en fait, qui s'appelle Toudi, en fait, qui joue avec les perspectives. Donc, tu vas voir, par exemple, le héros en premier plan, il va faire ça sur la case, et en fait, tu vas voir qu'il va prendre l'arbre qui est hyper loin et qui est sur la case d'après, qui va le ramener, et en fait, bah, c'est un tout petit arbre, et qui va le poser. Ouais. Donc, tu as aussi des jeux de perspectives comme ça. Ah, vraiment du code graphique, plus que BD, du code graphique, quoi. C'est ça, t'as un ennemi du code de narration, qui arrive en fait à jouer avec les pages. Donc tu vas voir sur la même page, donc recto verso, le mec qui va traverser un mur, qui traverse sa page. Donc sur le recto, tu vas voir sa tête qui parle, et sur le verso, en fait, tu vas voir son dos qui passe le mur. Mais tu fais au transparent le dessin. Il est, c'est le même dessin, en fait. Tu vois juste le trou qui dépasse. Mais c'est plein de petites... Non, c'était David Morier qui en avait dit du bien sur nos lives, déjà. Je suis jamais vraiment tombé dessus. C'est un truc pareil qui a assez vite... ça s'est vite fini dans les rayons des librairies, parce que je ne l'ai pas vu sortir. C'est possible, ouais, ça a dû faire un jour dans les nouveautés, ensuite c'est parti directement. Mais c'est très dommage, parce que des BD comme ça, c'est vraiment... Moi, j'adore les trucs qui jouent avec son propre médium, tu vois. Bah, c'est un petit peu le... Merde, comment ça s'appelle? Loubapo. Le Louvoir de... Je sais plus quoi, justement, qui joue avec les codes de la BD. Fred le faisait énormément, ça. Bah, t'as Frel et tu dois avoir aussi les Monstrondheim. Oui, aussi, vachement. Moi, j'aime bien Imbattable. Ah, c'est pour ça que. C'est hyper cherché. T'as, par exemple, donc pas dans ce tome-là, mais qui a été prépublié dans Spirou, t'as une histoire en fait. Tu peux lire l'histoire dans les deux sens. T'as Imbattable qui va voir son histoire dans le sens de l'histoire classique. Ouais, mais en même temps, il va. Oh, putain, ouais. Et t'as la fille qui, elle, en fait. Son histoire, c'est à l'envers. C'est un petit peu River Song dans Doctor Who. Ou la fin de. C'était ce jeu indépendant. Ah, je sais plus. Ça me dit quelque chose que tu. Ah ouais, ouais, ou la fin du jeu, t'avais l'impression que t'allais sauver la princesse alors qu'en fait tu remettais le truc en ordre et c'était toi le stalker. Ah putain, oui! Ah, il était tellement bon ce putain de jeu sur Xbox à l'époque. C'est pas Braid 360, ouais. Non, c'était pas Braid, non, je pense. Si, c'était Braid. Oui, c'était Braid, ouais. En fait, finalement, c'était le bâtard. Oui, c'est ça. Et quand t'avais fini d'aller la sauver, le truc passait à l'inverse, et en fait, elle s'enfuyait de toi. Ouais. Et tu te rends compte qu'en fait. C'était énorme. Ouais. Braid, c'était un jeu très très intelligent. C'était génial. C'est génialissime. Quand t'as des médias qui arrivent à jouer justement sur cet effet-là, c'est là que tu dis putain. Et ça plein plein. Et le pire, c'est quand ça se tient. Oui, et simple en plan. C'est moi ce que j'aime. Des fois, c'est certains trucs, c'est ronflant. On fait ouais, Deadpool, quatrième mur, tout ça. Ouais, Spider-Man, il faisait déjà des blagues au lecteur, quoi. Enfin, parce qu'à une époque, on introduisait les personnages, je disais c'était fait par Jack Kirby ou je sais pas quoi. C'était vraiment. C'était voulu, quoi. C'est Deadpool, c'était pas une grosse nouveauté, quoi. Ouais, même. Du coup, en parlant de BD qui joue aussi sur les codes et des sens de lecture, ça me fait penser au feuilleton été. Qui a été diffusé sur Arte. Instagram. Arte, voilà. C'était quoi déjà ? J'ai pas lu ça, putain. En fait, il diffusait chaque jour un strip de BD. Tu me l'avais parlé, j'ai pas eu le temps, ça. Putain. Et en fait, ça te racontait une histoire d'un couple qui voulait faire un point, sorte de break. Ouais. Voilà, un break. Se dire, voilà, on a deux mois, on fait ce qu'on veut, et à la fin des deux mois, ben, on voit ce qui se passe. Et en fait, tu lis jour au jour tout leur évolution. Donc, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Et à la fin, en fait, t'as une conclusion. Sauf que vu que c'est en même temps ça joue sur le média Instagram, c'est-à-dire que tu peux lire n'importe quand, bah en fait l'histoire, tu peux la lire dans le sens inverse. Ok. Et ça a été édité en version papier, je ne sais plus chez quel éditeur, mais c'est Thomas Kaden qui était au scénario. Ouais, donc il est bon. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes. Ouais. Et. Ce que je trouve intéressant chez Thomas Kaden en tant qu'auteur, c'est qu'il a plein de petites idées comme ça. C'est lui qui avait fait Les Autres Gens, donc la BD en turbo-média, il y a Belle Lurette, en 2005, ouais. Je crois, où il proposait justement par jour ou par semaine, non je crois que c'est par semaine, une BD aussi. J'ai juste et qui te racontait en fait plein d'histoires. Et c'était à chaque fois des dessinateurs différents. Donc t'avais Kopek, t'avais Boulet, t'avais vraiment des. Il y avait plein de personnes dessus. Ensuite, il a fait Romain et Augustin au moment du mariage pour tous. Ah ouais, ça avait publié ça sur. C'était en accès sur le site des. Pas Marien Libération, mais un. C'était Marien comme ça. Pareil, ça a été édité, et voilà, il a vraiment des... Dans Libération, peut-être, ouais. Ou peut-être Libération, je sais plus. Il a vraiment, là, dans Été, en fait, il joue sur les codes, vraiment deux lectures, et t'as deux histoires différentes. Il y a un manga qui est sorti comme ça, là, c'est Destin lié, je crois, Destin parallèle. En fait, c'est deux séries de trois tomes, où chaque tome, en fait, a lui, elle. Et c'est donc le premier, bon, par sa vision par lui et la vision par elle. J'étais à deux doigts de l'acheter. Comme t'as des médias comme ça qui arrivent à jouer sur les codes ou qui donnent vraiment des perspectives. Ouais, intelligemment, t'as mis un slope marron, t'as chié dessus. Ça, c'est pas... t'as mis un slope marron. Le concept est juste excellent. Mais oui, mais chaque histoire, c'est sur une thématique. Non, puis visuellement, c'est hyper puissant. C'est ça qu'il faut surtout retenir, quoi. C'est que visuellement, on peut raconter énormément de choses. Enfin, c'est surtout ça qui me trouble. Au Japon, c'est ils ont quand chargé. Même. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est simple de lecture. Oui. Les cinématiques sont faciles à comprendre. C'est limpide. Il y a la Crétin, c'est pareil, c'est très limpide. Il n'y a pas. Tu vois, quand on était dans la voiture, je sais pas si c'était. Non, truc du Condor. Non, c'était pas un truc du Condor. C'est quoi qu'on écoutait qui parlait de la série Shérif ou je sais pas quoi. T'es obligé de se faire un sur le. Ouais, qui tu sais qu'il a fallu plusieurs saisons pour qu'ils installent une sorte de game pour dire qu'en fait c'était une série qui faisait référence à d'autres séries, tu vois. Alors que là, enfin. Oui, parce que dans Shérif, justement, c'est le policier. Je sais plus comment ça s'appelle ce type de série. En fait, c'est l'aide policier qui aide à faire les enquêtes. Et bah, t'as le mec et la fille. Et ça se termine comme le mentaliste ou comme Claire de Lune. Ah oui, Claire de Lune, c'est le syndrome Claire de Lune. Ouais. Quand est-ce qu'ils vont coucher ? Tu sais qu'à un moment ils vont coucher et au moment où ils vont coucher, bah, il se passe un truc et la série se termine. Quoi. Ils ne savent plus comment. Les scénaristes, il n'y a plus de love and interest en fait. Ouais. Et du coup, tu n'as plus d'intérêt vraiment. C'est comme Archie Comics quoi. Ouais. Archie Comics, c'est vrai. Est-ce qu'ils se tapent en termes de love interest ou... Attends, les mecs, ils ont fait deux deadlines, deux deadlines et tout. Il y a une partie du lien qui est justement très intéressante. Enfin, moi, je trouve. Hop, on va finir rapidement sur Parasite. Qu'est-ce que c'est, Stan Silas, man? Au dessin. Mais je les connais pas, ces messieurs. Stan Silas, man. C'est Stan Smith. Mais c'est qui, ce monsieur? Stan Smith. Oui, j'ai fait une petite thématique. Onculerie, ouais. Donc là, ce sont ces dernières productions que j'ai déjà fait Rayman, mais Randall avait fait une carte blanche ou un éclaireur sur la vie de Norman. La vie, il y a hyper longtemps. Ça doit faire genre. Voilà, plus que ça, les éclaireurs quoi. 10 000 ans! Donc au niveau de Parasite, en fait, c'est des aliens, même des parasites qui ont parasité notre monde. Et on découvre en fait qu'ils qu'ils ont un petit peu colonisé notre monde. Le tome 2 va sortir sorti au mois de mars au mois d'avril. J'ai vu un reportage sur France 2. Oui, parce qu'il est. C'est de la hausse. Il est René. Mais on va parler BD maintenant. Oui, avec sa mèche. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire Podren 2019. Oui. Ah, si, si on a le budget. Il est à côté, donc c'est bon. Mais non, on l'invite gracieusement. Il vient à la maison. Façon, il y a le printemps. On l'invite à ses frais. On lui dit qu'on n'est pas écouté, puis c'est bon, il pourra dire des conneries. Oh ben, il s'est pas gêné. Il s'est pas gêné. Donc, pas, on peut en dire. Ouais. Parasite, donc c'est en 3 tomes. Ton chose sera d'accord. Bah, je connais. On dire. Sur, pardon, excuse-moi. Donc on peut raconter de la merde. On n'est pas trop écouté, donc on s'en fout. Qu'on soit écouté ou pas, on peut raconter de la merde. Non, ça c'est pas une excuse. C'est vrai, raconter de la merde sans être écouté. Non, je voulais dire. Raconter ce qu'on a envie de raconter. Qu'on soit écouté ou pas. Ouais, voilà. Je voulais dire, c'est ça. Qu'on soit écouté ou pas, on raconte de la merde quand même. Oui. C'est pas parce qu'on est écouté qu'on n'a pas le droit de dire. Ce que tu dis, c'est pas forcément de la merde. Et on écrit. Le tout, c'est de trouver son public. S'il y a quelqu'un qui a un truc pas organisé, ça fait du débat, et c'est ça qui est bien. Je suis plus juste choqué par. Par mon poste et les attouchements sexuels et tout, ça ne dit rien. Que par Gandalf, la première fois, c'est toutes les blagues racistes qu'on a pu faire dans ce podcast. Attends l'épisode 3. J'ai hâte. Il va y avoir des choses. Ouais, ça va te. Je suis légèrement déçu ici. Il n'y a que des portes-fenêtres, il n'y a pas de fenêtres. Donc, on va terminer mon dossier. J'ai piqué l'idée à Asto par. Et mon verre de Club Libo. Bigouden. Donc, c'est l'avant-dernière BD. Avant-dernière BD de Stan Silas, donc pareil au dessin et au scénario et à la couleur, il me semble. Donc c'est l'histoire là vraiment ancrée dans le. C'est un petit bonhomme. Oui, mais il est roux. C'est une fille. C'est Kenton. Donc, il est barbu. Là, ça remonte en fait avec les. Mais il est barbu. Avec le mythe. C'est une chronique. Pas ça. Je suis désolé. Tu vois, c'est je t'aime. Bigouden, ça va vraiment jouer en plus avec. C'est pas vrai, tu l'aimes pas. Bigouden, ça va jouer avec les codes mythologiques de la Bretagne. Ah, c'est chiant. Donc, tout ce qui est Corrogan. Ah, les putains de Bretons, quoi. Gâteau trop dur. Gâteau trop dur. La bouffe, c'est bon, mais. Les Bagdad. Café. Bagdad, les Bagdad. Laurent Magdan, c'est pas le bon endroit. Oh non, pas Laurent Magdan. Pas Laurent Magdan. Les Bigouden, tout ça. Pirate. Tipiak. Pirate. Donc c'est pas, là, c'est une histoire qui est finie en 3 tomes. Il y a même une intégrale. Et il y a une, ça a été regroupé une intégrale donc chez EP. Donc elle a dit non, il a dit je sais plus Eleanor quoi. Proust. Eleanor Proust. Non, c'est Paquet. Mais ça a été repris par Paquet du coup. Ouais, Paquet. Donc voilà, moi, Stan Silla, j'accroche. Je connais donc. Vous avez sûrement compris au niveau du dessin. C'est bon, c'est bon. J'ai pas sûr qu'il y a une thématique autour de Stan Silla. Ouais, ouais, un peu. Tu essaierais pas de nous enculer? Et c'était le dernier tome, et bah, je vais finir par une petite enculerie qui s'appelle une interview de Stan Silas. Putain, mais t'es vraiment un bâtard, toi. Alors, je suis avec Stan, avec Stan Silas. mais c'est du podcast, hein, on s'en fout, on n'est pas écouté. Ouais. On s'en fout, on n'est pas écouté. Bon, Donc, tu es auteur de BD, normalement. Est-ce que tu peux me dire quel BD tu fais, quel univers, tout ça? Alors, je fais différentes bandes dessinées. Actuellement, je fais Parasite, une bande dessinée qui sera en 3 tomes, qui décrit le monde actuel où nous sommes tous manipulés par des parasites qui sont parmi nous, cachés, qui nous ressemblent et qui nous bouffent de l'intérieur. Sinon, j'ai dessiné Bigouden, une petite japonaise qui s'échoue sur les côtes bretonnes et qui va faire revivre, on ne sait pourquoi, la magie dans nos forêts. Et donc c'est en 3 tomes également, et il y a un intégral qui est sorti. Et c'est pour toute la famille, et c'est très rigolo. Sinon je dessine, avec David Mourier, la série Super Caca. Une série en 3 tomes. Non, il dessine pas du tout d'ailleurs. Ah si, il fait quelques dessins dans la bande dessinée, il y a des pages qui lui sont dédiées en effet. J'adore prendre cette voix, c'est hyper chiante, hyper pénible en interview. Oui, non mais c'est sérieux par contre. Et enfin, je souhaiterais terminer quand même par Ocarina Marina. Donc cette série qui est pré-publiée dans le magazine Manon, le magazine des filles super, et qui donc a connu sa publication dans la collection BD Kids. Voilà. Et d'où est venu c'est... Mais ouais, c'est pas mal. Et d'où est venu le... ton travail dans la BD? Comment tu es venu? T'as fait... C'était une vocation ou autre? Alors j'ai toujours aimé dessiner en fait. J'avais un blog BD, mais j'avais un vrai travail aussi à côté. Et un jour un éditeur m'a contacté et il m'a dit est-ce que ça te dirait de faire de la BD? Et j'ai dit non, parce que j'avais un vrai travail. Mais 2 ans plus tard, je me suis retrouvé au chômage. Donc je l'ai recontacté à mon tour et je lui ai dit est-ce que ça marche toujours? Et il a dit banco. Et j'ai vendu la caravane. Voilà. Et voilà. Et donc c'était parti. D'accord. Et du coup, après ces BD-là, est-ce que tu as d'autres projets à venir Alors Parasite, comme j'ai dit, ça sera en 3 tomes. Donc le 2e tome va sortir le mois prochain. Et je vais dessiner le 3e tome là, à partir de cette semaine. Donc j'espère qu'il sera terminé, en tout cas de mon côté, pour la fin de l'année. Et suite à ça, j'espère commencer un autre projet. Bien sûr, j'ai des trucs en tête. Il y a tout le temps un décalage entre le moment où on commence une série et au moment où on a commencé à y penser. Souvent, ça se fait longtemps en amont. Donc, j'ai un nouveau truc en tête. On verra si ça va se concrétiser ou pas. J'en parle pas parce que ça va me porter la poisse. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu des techniques que tu utilises pour faire tes BD? Au niveau du dessin, je veux dire. Au niveau du dessin, ouais, ma technique depuis Bigouden, c'est informatisé. Donc, j'encre sur Manga Studio. Et les couleurs se font sur Photoshop, voilà. Donc c'est tout sur ma tablette Cintiq, de bourgeois. Et donc là, on est au festival d'Aurillac. On est en fin de journée. Tu m'as subi beaucoup, mais est-ce que ça s'est bien passé? T'as eu du monde, tout ça? Alors, je sais pas si... Ça, c'est très pro. Ouais. Alors, et tout, tu peux dire aussi. Alors, à part la puge sur ma gauche... je dois dire que je passe un excellent moment. Les gens de l'Aveyron sont très sympas. Je sais pas si on est dans l'Aveyron. Non, les gens du Cantal. Le Cantal. C'est pareil, c'est la montagne. On est dans le Cantal. Donc Chantal ramène le Cantal comme dans la pub. Et je passe un excellent week-end. Il faut savoir que l'accueil est très très bon. Les clients sont là, les lecteurs sont là. Plutôt les clients, c'est pas terrible. Hein. Et puis voilà, quand on rigole. Donc c'est cool. Passer une bonne journée. Ouais, et même il y avait des ateliers scolaires hier, donc on a été voir les enfants, les scolaires, et ça s'est super bien passé. Donc si on me invite, je dis oui direct. Bah c'est cool. Ah bah du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire, même sur la situation d'auteur actuelle, tout ça? Non. Bah écoute, Je vis un petit peu dans mon coin, donc je suis un peu en dehors de toute polémique et tout ça. Je fais un peu mon travail comme je peux, voilà. Donc je risque de dire des conneries, donc je préfère me taire là-dessus. Voilà. Bah merci en tout cas pour la petite interview. Ah mais je t'en prie, c'était un plaisir. Dommage qu'on n'ait pas entendu un peu plus Romain Pujol. Mais ça va arriver là, il est en train de dédicacer, je vais le voir juste après. Bon bah super, j'écoute attentivement. Bon, plot twist, vous n'aurez pas l'interview de Romain Pujol parce que c'était passé dans Quoi qu'il se passe. Voilà. Il y a quelques mois déjà, c'était assez vieux. Oui, je m'en souviens. Oui. Comme si c'était hier. Donc, j'ai fini mon piquage de dossier de monsieur. Ouf, le salaud. Ah, il n'y a pas à dire, ça fait du bien que ça s'arrête. Bon, bah, cette fois, on va passer à la rubrique que Pépé nous invite. Non, mais d'une force, d'une puissance. Ah, mais. Mais comme dirait Jean-Michel Apathy, c'est dingue. C'est tellement dingue que j'en ai mal au fait. Ah, ça, hein. Donc, c'est les questions aux invités. Allez, viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Bonjour, bienvenue dans l'apéro original. Alors faut choisir. Alors je vais laisser mon ami Azertov parce qu'en fait j'ai pas les questions. En fait, je suis un gros branleur. Je les ai. Ah. Alors Jonjon, un chiffre entre 1 et 91. Ce serait pas le 91, ni le 15, ni le 8. Est-ce que les chiffres que l'on a choisis aux épisodes précédents sont toujours d'actualité? Non, justement, ni le 8, ni le 15, ni le 91. Oui, donc le 45 c'est bon. Tu peux reprendre. Tu avais déjà fait le 45. Ouais, c'est ça. T'as une mémoire, c'est pas possible. Alors c'est une question de monsieur Randall Flagg. Ah, je vais prendre la 46. Et voilà. Quand tu vois un plan dans la rue, vous êtes ici. Comment ils le savent? Parce que le plan est installé. Il n'était pas en forme, hein. Il n'était pas en forme, Randall. Non. Ouais. Non. Ça change pas d'habitude. Même Flagg, il répondrait pas mieux à ses questions, ses propres questions. Ouais, voilà. Non, je suis un peu déçu par Randall pour le coup. Ah, c'est sûr que la faute des femmes. Non, c'est juste une question. Mais ouais. Ouais. Les femmes de la voiture. C'est les mêmes. Hein. Les femmes de la voiture. C'est ça sa question. Ah, ouais, non, il y a les sessions d'avant. Ah, oui, je voudrais la 12. Ah, tu veux la 12 finalement? Tu en avais rodé. On va relancer le débat sur la lumière. Alors, question inspirée de l'ADC. Où vas-tu? Pardon. Oh, chiotte. Au chiot, l'arbitre! Spoiler, la question 10 n'est pas qui es-tu et la question 11 n'est pas d'où viens-tu? Où es-tu? Ben nulle part, je vais rester ici encore un petit moment. Oh bah là! On n'a pas fini d'enregistrer surtout, donc ouais. De toute façon, je crois que je dois être capable de prendre la voiture tout de suite. La Toucheux mobile, oui. C'est vrai que le non, parce qu'en plus, si je commence à voler la voiture de Toucheux, ça va pas le faire. Donc non, je vais rester là. Ah, c'était okay. Magnifique. Monsieur David. Oui. Alors, une question, un chiffre entre 1 et 91, mais pas la 8, pas la 15, pas la 12, et pas la 45, et ni la 91. Vous devriez les rayer à chaque fois. La 53. Ah, c'est une question de... Randall Flagg. Oui, exactement. Non. Ah, j'ai hâte. Et en plus... C'est très thématique. Ah. Tu vas sûrement pas savoir pourquoi, mais pourquoi la nourriture pour chat n'a pas le goût de souris? D'accord, c'est une question de Randall Flagg. C'est une question de Randall Flagg en forme. Ça fait moi penser à le remercier pour cette question. Je crois que lui aurait la réponse maintenant parce qu'il a son petit chat et il est gaga. Oui. Va lui poser la question. Oui, c'est vrai. Monsieur. 51. Il y a une réponse. Ah, non, c'est vrai, ce contact, non, c'était beau. J'ai raté la réponse. Il n'y a pas eu de réponse, là. Ah, la question 51, déjà, elle est un peu plus marrante, la question 51. Elle n'est pas de Flagg. Oui. Ah, merde. Ah, ben, c'est normal que ce soit drôle. Elle est de Oasis. Ah, bon, c'est normal que ce soit drôle. Ça va être sérieux. Bah, oui. C'est service business, là. Les cheminots. Tu l'as fait, Vas-y, vas-y. Donc, quand un schtroumpf se cogne, a-t-il un bleu? Oh putain de merde. Alors, mais le pire, c'est que ça pourrait être Durandal. C'était dans la session où il ne faisait jamais ça. Ouais. Te prendre un coup de les couleurs, déjà, c'est pas ça. Mais moi aussi, je vais sur Pepito. Donc, oui. C'est ça, oui. Ta réponse? Oui. Oui, on arrête là, oui. Non, on passe à autre chose. Mais non, c'est à moi après. Non, on continue. J'ai oublié que c'était à moi. Est-ce que le grand schtroumpf, du coup? Est-ce que le grand schtroumpf? Oui. Est-ce qu'il schtroumpf la schtroumpfette? Ah, bah déjà, parce qu'il est vieux. Mais quoi, ça se fait qu'il est vieux? C'est-à-dire qu'il est arrivé, il était tout seul. Bah ouais. Parce qu'il est... Je trouve que quand ils arrivent, ils sont petits. C'est qu'il est resté petit longtemps. C'est quand même une recréation d'un univers communiste. Donc voilà. Ouais. Bah, c'est un peu le papa communiste. Un genre de Staline. Salut, Payot. Payot, Coco. Ouais. Ça arrive. Salut là où tu es. See you, Space Cowboy. Oh, tu sais, je ne voyais pas venir ça. Ah mon dieu, mon dieu. Bon, bah, on a fini avec cette pastille récréative. Hein, oh, je suis récréatif, mais moitié. Quoi. Ah, oui. Notre récréativité a pris un sens. Et donc, bah, on va rester sur Pépé, enfin sur Pépé. Ouais, reste sur moi. On va tous ensemble. Restons sur toi, voilà. Hein. Reste dans mes roues. On va prendre de l'aspiration. Oh, l'aspiration, ça. Ça m'inspire. Et on va parler de... Qu'est-ce... Alors, comment j'ai intitulé... Il n'y a pas de jingle, il n'y a rien. Hein. Bah, j'attends qu'on me dise. Hein. Si on ne dit pas, moi, je fais pas. Je vais le lire avec une voix un peu de l'espace, là. Entre collégiens dans les années 2000, les jeux par navigateur, okay. Mais trop jeune pour boire du clopipo. Je la referai après le jingle. Voilà, je la referai après. Ok, tu as le droit. Jingle. C'est le même. C'est le truc de l'invité. C'est l'arnaque. Allez, viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Bon, salut mes copains. Avant de commencer cette rubrique, j'aimerais bien un truc à boire. Ah ouais, moi je veux bien du rhum. Je sais pas, parce qu'il y a une petite bière, est-ce qu'on l'ouvre ou pas? On peut l'ouvrir. Je veux bien. Tiens, alors, le verre, ce que j'allais dire. Un petit verre, celui-là. Ouais, un petit verre. C'est pour. Vas-y. Bonjour. Alors, attends. Okay, bon, on va faire ça pendant les 10 ans. On change tout de verre, c'est ça? Je donne les gratons à celui qui veut. Super, super. Attention. Tu veux les pois wasabi en échange? Est-ce que tu veux mourir en échange? Toi, tu veux les pois wasabi? C'est du graton wasabi quand même. Bon, alors moi, j'ai quasiment rien préparé, donc tu comptes sur vous. Hein, je suis très étonné par cette révélation surprenante. Je vais dormir. Voilà. Donc j'ai fait un quiz. Sur les familles royales. En fait, à la base, je voulais faire un dossier sur les grandes arnaques d'internet, donc le scam, le phishing, Noob, toutes ces conneries, genre les crowdfunding, les Tipeee, Dupont Moretti et tout. Mais j'ai pas fait ça. Tout ce qui finit en i. Ouais. J'ai parlé d'un autre type d'arnaque, les jeux par navigateur en fait. Mais ça finit pas en i. On en revient au Noob. C'est un truc que je faisais beaucoup dans mes années collège, c'est-à-dire à partir de 2002. Ouais. Et oui. Collège 2002. Alors, c'est déjà. Espèce d'enculé. Ça, on n'a pas une grande différence d'âge. Au collège, il y a 5 ans. Alors, si vous pensez qu'on va parler de Farmville ou Clash of Clans, bah, vous sortez quoi. Non, on va parler des vrais jeux sérieux. Ouais. Bah oui, bien sûr. On est sérieux business, nous. Les Clash of Clans, les Candy Crush, cassez-vous quoi. En HTML 3. Ouais. Putain, mais il est jeune, il fait vieux con. Un XHTML, pire que ça, monsieur. C'est même bien. Ouais, cool, XHTML. Cool, ouais, cool. Oui, c'était, tu as répondu toi-même à ta pourquoi, ça m'a un peu... Bon, déjà, un jeu par navigateur, c'était quoi la caractéristique à l'époque? J'ai fait un petit peu de recherche hein, pour donner un peu de substance à ce dossier. C'est sans installation de plugin ou de trucs comme ça. Ouais, donc ça jouait directement sur navigateur, déjà. Ouais. C'était un peu un flash aussi. Du flash. Il fallait généralement un pseudo, un mot de passe, un mail. C'était souvent des jeux de simulation, de gestion. Je vais faire la liste après, vous allez voir. Moi, je joue un jeu de rugby comme ça. Aussi. Ouais, mais oui, justement. C'était Stadium, je sais pas quoi. Nul à chier. Bon, il y avait des jeux de stratégie, des jeux de rôle. C'était souvent gratuit. Hein. Voilà, les internets. Jusqu'à une certaine année, en tout cas. Ouais, après, oui, bien sûr. Il y a eu les Halo Pass. Qui se rappelle les Halo Pass? Quelle arnaque, putain. Tu as Halo Passé? T'as acheté Halo Pass, Astor? Pas sur des jeux par navigateur, mais j'ai fait beaucoup d'Halo Pass. Ah. Pour avoir des photos. Des, ouais. Ah, Des nudes. Non, je faisais beaucoup de locations sur Banga. Il voulait des nudes. Il voulait des nudes de Dupont Moretti. J'étais mes fans de Banga. Alors, les jeux sont gratuits, les interfaces c'est souvent des pages en PHP, ce genre de choses. Des pages en PHP, tu parles de ça. Alors, rappelez-vous au game, hein, au final, au game on se faisait chier, il n'y avait pas d'animation ni rien, c'était juste des photos de planètes et des photos de vaisseaux, et il fallait juste rentrer le nombre de vaisseaux que tu voulais construire. C'était, au final, c'était de la merde. C'était vraiment très austère, et que lire d'autres. Et en fait, le nerf de la guerre de ce genre de jeu, c'était le temps. Parce qu'on ne payait rien au début, c'était pas payant comme jeu. C'était le temps, c'est-à-dire que. Tout ce que tu faisais dans le jeu, ça prenait du temps. Mmh. Construire un vaisseau, construire une base, construire des bâtiments, ça prenait du temps. Et à la fin, plus on améliorait les trucs, plus, par exemple, augmenter une base, ça pouvait prendre 3-4 jours. Ouais. De vrai temps. Ouais. Oh. Oui. Je pense au game, les centrales de deutérium. Hein. Inch'Allah. voilà, Guilay. Starfoulard. Inch'Allah. voilà, donc voilà, déjà, c'était une des caractéristiques. Et après, les développeurs, ils ont bien compris qu'il y avait un petit peu d'argent à se faire. Parce que. Achetez le podcast. Voilà. Maintenant, après, tous les jeux par navigateur, ça incluait donner un petit coup de fil, des SMS pour avoir des développages, ce genre de choses. Soit augmenter l'argent que tu avais en temps. Sinon, il y avait aussi accepter de voir des trucs ou de rentrer les questionnaires pour avoir. Tu pointais trop du doigt. Tu pouvais augmenter ta file d'attente, c'est-à-dire que tu pouvais venir moins souvent, mais tu pouvais faire des actions entre guillemets. Au final, en fait, les jeux sur smartphone, ils n'ont rien inventé, clairement pas. Le free to play. Voilà. Et les jeux étaient virtuellement infinis, c'est-à-dire que tu créais ton compte et que tu pouvais jouer. Ça se finissait jamais. Ah oui, de toute façon. À un moment, ça stagnait. T'étais dans un classement, t'étais au numéro 10, t'arrivais. Enfin, c'était assez compliqué. Dans ma team. Quoi ? Univers 10, à jamais dans mon cœur. Voilà. Et pourquoi ça a eu un succès ? Alors, j'ai fait des petites recherches universitaires pour. Ouais, carrément ! Ouais, écoute. Et ouais, mon gars. Et ouais, mon gars. Alexis Blanchet, d'ailleurs, qui est connu au niveau du jeu vidéo, c'est un historien du jeu vidéo qui a fait beaucoup de recherches. Alexis Blanchet, mais il a fait quoi ? Non, il fait souvent des conférences au Stunfest. Oui, Stunfest, bien sûr. Hein. Et c'est les conférences et les jeux de baston. Alors, pourquoi ça a marché, ce genre de jeu ? Déjà, c'était sur les navigateurs internet. Bon, pas d'installation, pas besoin d'avoir une grosse bécane. Oui, voilà, aussi, oui, surtout, oui. Pas besoin de demander de l'argent de poste pour l'acheter. Voilà. Le développement de l'internet à haut débit. Je sais pas comment, avec quoi vous avez commencé au niveau d'internet. Ouais, comment quand j'étais sur AOL, un truc que tu vois, 50 heures. Ouais. Même Liberty Surf. Quatre heures par mois. J'avais ça moi aussi, Liberty Surf, je crois. Alors que 4 heures par mois, putain. C'était après AOL, non ? Non, c'était avant. Je crois qu'en fait, ils avaient été rachetés par AOL, non ? Non, Free, c'est Alice. Ah oui, Alice qui les avait rachetés, ouais, mais c'est ce que j'avais après, ouais. Liberty Surf, ils avaient racheté par Alice. 4 heures par mois. 4 heures par mois ? Imagine. 4 heures par mois. Mais c'est la misère, frère. Mais c'est le sein, toi. Mais c'est le sein. On l'a déjà exposé juste en enregistrant. Avec du petit compteur qui s'affiche. C'est ça. Et puis tu reviens tous les 2 minutes et finalement tu perds plus de temps à regarder ton compteur. Tu mets une demi-heure à charger une page, donc intérêt de savoir. Quand t'allais sur jeuxvideo.com, c'était la bonne chose. Ouais, elle est bonne la bière. Ouais, la passion. Tu connais les fruits de la passion. J'adore les fruits de la passion. Fruits de la passion. Oui, donc, moi j'avais AOL 50 heures, les CD. Moi c'est pareil. Moi, c'était surtout que comme j'avais pas accès au PC, Internet, j'ai pas fait 50 heures. Ça nous paraissait tellement énorme à l'époque. Trop bien. Maintenant, comme t'es connecté à John Cat, t'as 2 jours et puis voilà. Il y avait aussi tout ce qui est développement des paiements sécurisés en ligne. Sacré développement ça. Alors, les jeux par navigateur des années 2000, je sais qu'il y en a beaucoup autour de la table qui vont jouer. Asto, je sais que ça va être ma cible préférée ce soir. Ma cible préférée. Gandalf, je peux te jouer. Ok, moi ouais. Le truc de rugby, là, Stadium, je sais pas quoi. Son truc de merde, là, j'ai fait un petit peu de tout, ouais. Les Royaumes Renaissants, Game, Vendetta. Oh putain. Mega. J'ai une Megalo People. Mega. David, toi, t'es. Mega Clou People. Jamais. Non. Moi, dans ces années-là, non, je suis venu après, je crois que c'était sur République, un truc comme ça. Ah, bah, je vais en parler, iRépublique. iRépublique, ouais, je vais en parler. Jonjon, ouais, tu m'as dit que t'avais pas mal. Pas mal farmé. T'avais pas mal prolongué sur les galaxies d'univers de game. Je crois qu'à cette époque-là, moi, je jouais aussi sur le jeuxvideo.fr, sur leur jeu t'avais un RPG, en fait, dans leur site qui était intégré, où tu pouvais faire des quêtes en allant dans, dans leur chronique, dans leur test. T'as vraiment une partie de ça dedans où tu pouvais faire les évolutions. Mais j'ai pas connu ça. Mais... Alors, j'ai fait quelques catégories. Et puis, vous allez voir. Alors, il y a les jeux de gestion, les jeux de bagarre, les jeux de guerre, bien sûr, grand classique. Et en fait, on peut pas parler de. Alors, en gros, c'était les grands succès des années 2000. Hein. C'était des jeux. T'avais un empire, tu faisais la guerre. La bagarre dans les Caraïbes, la bagarre dans l'espace, la bagarre chez les Grecs, la bagarre au temps de Jules César, la bagarre avec les pirates, enfin plein de trucs. La bagarre. Bagarre, mais bagarre de merde, hein, parce qu'il n'y avait pas d'animation. Ah bah, faut pas déconner. Alors, bien sûr, le jeu principal, je pense que tout le monde y a joué au game. Ah oui, on en a parlé. Autour de là. Jeu de conquête spatiale, c'était la référence en fait. Moi, je me souviens, Dès que tu dépassais un certain palier, tu te faisais violer. Bah, en fait, au début, tu commençais. Voilà. Et dès que tu avais à partir de 1500 points, ou un truc comme ça, tu devenais vulnérable et on pouvait t'attaquer. Et généralement. Et tu te faisais rouler dessus. Rouler dessus avec moi. Et la planète à côté de toi, bah, c'était genre le dixième de l'univers, donc il te servait. En gros, c'était son grenier, quoi. Il t'attaquait tous les deux jours pour toutes tes ressources et t'arrivais jamais à avancer. Bref. Oui, j'ai jamais réussi à ce jeu. Donc, il fallait coloniser les planètes. Quoi? Pas bien compliqué. Ouais, mais pas les défenses en fait. Ouais, mais j'étais con à l'époque. Ouais. J'étais pas très bon en ce genre de jeu. On a Revan qui nous parle de Tech Warrior et de Night Fight. Tech Warrior, je crois que j'ai joué. Ben moi, c'est Night Fight qui est quelque chose. Ouais. Alors oui, coloniser des planètes, fallait produire des vaisseaux. Alors il y avait tout le monde se paluchait sur l'étoile de la mort. Ah oui, putain, il se met le temps. C'était, en gros, c'était une étoile de la mort, c'était le palier ultime de la bagarre. La bagarre. Voilà, t'en avais genre une poignée qui, de l'univers qui avait ça. Oui, et puis à la fin, ils en avaient 30. Et après, ils en avaient genre 150, et puis... C'était la fête. Alors, au game, moi, mes souvenirs, c'est que déjà, à la récré, tout le monde en parlait. C'est un peu le concours de Kékette. Ouais, et puis c'est aussi, moi, c'est comme ça que j'ai connu les forums, parce que chaque alliance... Même là, tu gagnais pas. Ouais. Bah non. toi t'avais des chasseurs légers quoi. Très léger. Ouais. Et t'es monté fin. Mais surtout c'est là que je me suis rendu compte à quel point les jeux vidéo ça pouvait rendre les gens complètement cons. Je sais que j'avais des potes qui mettaient des actions en jeu à minuit, ça prenait 3-4 heures, puis ils se levaient à 4 heures du matin, ils récupéraient. Ah non, ma soeur elle a un copain dans sa classe, elle a 14 ans là, quasiment. Ouais. Elle était venue passer un week-end chez moi pendant les vacances de février là. C'est à chaque fois qu'elle se connectait sur Discord pour aller voir ce mec qui jouait à Fortnite. Tout le temps. À 8h du matin, il y était déjà. Le soir, à 2h du matin, il y était encore. À 13 ans, le mec, il passait sa journée sur Fortnite. J'ai fait pareil sur World of Warcraft. Je joue toujours à World of Warcraft. T'es sur quel serveur? Je reprends quand tu veux. Qui est Hunter. Côté Horde. Ah, bon, ça va, ça peut se faire. Mais en fait, j'avais des potes qui se levaient genre à 3h du matin. Et on avait 12 ans, tu vois, on est jeunes. Enfin, je veux dire. Ça me paraît complètement aberrant. Pour se lever à 3h du matin, pour récupérer les ressources, pour aller recycler des vaisseaux, rebalancer, et puis se relever à 6h. Complètement con. Addict. Alors, moi, je faisais ça sur les royaumes renaissants, mais à 6h. Dès que je me levais, c'est le premier truc que je faisais pour. On en parlera des royaumes renaissants. Ouais, on parlera après. Alors, un autre gros jeu aussi, c'était Travian. Oui. Ah oui, Travian. Il y avait 3 factions. T'as joué? Tu connais? J'ai dû créer un compte, aller voir, et c'est pareil, il devait y avoir un système d'immunité pendant un temps donné. Ces jeux-là, le problème de ces jeux-là où tu avais une immunité et dès que t'arrivais, tu étais vulnérable, tu te faisais pilonner, et comme tu disais tout à l'heure, tu servais. Bah, en fait, ça dépend quand t'arrivais sur un serveur qui était déjà bien placé. Ah oui, tu te faisais violer. Quand t'étais sur un nouveau serveur, tu pouvais. C'était quoi l'univers de Travian? C'était médiéval, non? Ouais, c'était médiéval. Ouais, c'était les Gaulois, les Romains et les Germains. Oui, les Germains. Où il y avait le Gaulois qui était doué en défense, les Germains en attaque, et les Romains, c'était un des deux. Et en fait, là, il y avait un endgame. Donc, c'est-à-dire que la partie se terminait quand quelqu'un arrivait à construire une merveille du monde. Mais moi, j'y ai pas trop joué. En fait, j'y jouais au début, je faisais mes silos à grains, ce genre de trucs, et puis j'ai pu très vite arrêter parce que ça me saoulait. On va perdre l'animateur. C'est qui l'animateur hein? Là, il a 4 fois habillé là. Ça va, il va devenir tout rouge. Il est déjà tout rouge. C'est la bière ou c'est moi, Sabine, qui est en tout rouge? Donc voilà. C'est nous de la gueule, on prenait tout ça. Ouais, très bien, ouais. Ça sera bien, c'était cool. Ouais, c'est comme le nom, je me rappelle. Alors, il y avait Vendetta, moi, j'y ai pas joué à ce tout. Non plus. Alors, Vendetta, c'était exactement comme au game, en fait, en termes au niveau du principe. Sauf qu'il y avait beaucoup moins de monde sur les serveurs, et il y avait beaucoup de serveurs quand même. Ce qui fait, moi j'y jouais avec des potes à l'époque. Hein, t'étais un petit mafieux quoi. Ma classe, voilà. En fait, t'étais un petit mafieux. T'avais un Borsalino et puis genre une mitraillette avec. C'est ça, ouais. Et en fait, t'avais différentes ressources, à savoir les munitions, les armes, l'alcool et l'argent. Une pute. Et donc, tu devais construire ton usine d'armes, ton usine de munitions, ta distillerie et ton truc pour revendre ton alcool distillé et pour te faire de la monnaie. Et comme ça, tu gagnais en influence et tu pouvais conquérir de nouveaux territoires et tout. Et après, comme Mafia 3, mais. Tu utilisais tes armes pour engager des ninjas. Des mafieux. Il y avait des ninjas. Je crois qu'il y avait comme dans Robocop 3. Je crois qu'il y avait aussi des ninjas si tu évoluais. Non, ce film n'existe pas. T'avais une espèce d'arbre de talent, si tu veux, qui te permettait d'évoluer dans des trucs. Qui permettait de recruter des nouvelles unités pour aller péter la gueule aux mecs qui contrôlaient le quartier voisin, si tu veux. Au niveau du mécanisme, c'était la même chose que au game, sauf que la thématique, c'était la mafia. 50, c'était du quartier du Terre-Terre. C'était vraiment un clone de game, mais avec beaucoup moins de monde dessus, donc tu pouvais plus facilement te développer. Surtout si tu allais sur les serveurs, il commençait à arriver les serveurs 15, 16, ouais, tu vas t'arriver sur les chiffres. C'était serveur 35, 40. Mais il y avait moyen, du coup on s'amusait pas mal dessus avec les potes. Malheureusement aujourd'hui ça n'existe plus du tout, il n'y a aucune trace de. Plus aucune trace de Vendetta d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, oui, quand j'ai tapé vendetta.fr ou .com, et en fait, tu tombes sur le site de Gameloft. Ouais, parce qu'il y a eu tout un rachat de. Et voilà. Ouais, des licences à l'époque. Tous les licences, tout ce genre de jeux ont été rachetés. Et c'est vrai. Pas Gameloft, bizarrement. Il y avait une sorte de concentration, Motion Twins, on fait beaucoup. Et c'est l'époque où on s'amusait aussi à créer nos guildes. Ouais, oui. Et à faire nos pages de guildes. Ouais, ma guilde, c'est un comics en MS et qui est des couleurs. Hey, je vais écrire blanc sur fond blanc, comme ça les gens ne le verront pas. Ouais. C'était la folie. Quoi. Alors, point bière supplémentaire, la 48 passion. Je vais pas servir, mais. Je pense que ça va te plaire. Elle a un pif terrible et elle a un goût excellent. Tu sens le fruit de la passion quand tu le sens, et après quand tu goûtes, t'as pas le. T'as pas le sucré en fait. T'as le goût, mais t'as pas le sucré. Hashtag, c'est pas de la farine. Non, je sais pas. Oui, j'ai une catégorie, c'est les jeux dits j'ai soif de pouvoir, mais je ne suis que gouverneur de Franche-Comté. Alors, les royaumes renaissants. Tu l'as très bien compris. Le Cotentin. Mais j'ai aussi parlé par exemple de e-République. Alors, toi, tu as joué, toi? Oui, ça, j'y ai joué. Ça me vient bien sur le jeu parce que je n'ai rien écrit, mais j'ai quand même des bribes de souvenirs. Ah, mais c'était un système participatif où tu avais un système de mission pour gagner des ressources, pour entretenir ton personnage et t'élever dans la société et participer à des systèmes de développement pseudo-électoraux, mais la construction d'une société un peu alternative. Ce qui était marrant, pas forcément de modèle. T'avais un genre de forum. Oui. Moi, j'étais sur la carte de, enfin, sur la France. Et il y avait une sorte de forum. Il y avait souvent des élections présidentielles. Ouais, et t'avais des partis politiques qui se formaient. Mais vraiment des gens qui, enfin, je sais pas si c'était RP. Enfin, à un moment, j'arrivais pas à distinguer le RP. Je pense que il y avait une grosse inspiration. Du monde réel, du moment où on essayait de créer très bien certaines tendances extrêmes. Ouais, on essayait de créer une société alternative. Je pense que ça a servi de laboratoire pour certains, pour essayer d'étudier des théories différentes. Ouais, mais je pense qu'il y a eu des divergences dans certaines factions, uniquement pour voir comment pouvait sonner une pseudo-guerre civile basée sur un débat d'idées. Ça c'est apparu à un moment où vraiment c'était du loc, quoi. C'était débat d'idées. Quand je suis arrivé, avec mise en place des rapports de force, avec une. Il y avait de l'argumentation. L'avantage, c'est que les gens prenaient le temps d'écrire et donc tu étais obligé de prendre le temps de lire. Il y avait de l'argumentation. Tu voulais comprendre le truc. C'est le côté RP. Ouais, mais après, c'est le genre de jeu aussi, si tu prenais pas un petit peu part en conversation, bah. Par contre, c'est comme Benjamin. Si tu joues Tomago, pour reprendre l'expression Tamago sur les RR, où tu fais juste les actions et tout, côté RP, qui est vraiment l'univers, tu cliques sur trois liens et c'est bon, tu reviens le jour d'après. Quoi. Et justement, je me souviens très bien quand je m'étais inscrit à ce moment-là, on était en grosse. Là, c'était la guerre ultime contre. C'était la guerre mondiale, et la guerre contre l'Espagne, France-Espagne. Quoi. C'était genre presque du foot, mais sauf que là, on se mettait sur la gueule et on. Il fallait conquérir les départements. Sur des départements, tu pouvais construire des hôpitaux et les améliorer pour te soigner. Mais c'était intense, hein, parce que moi, je me souviens que dès que je m'étais inscrit, les premiers messages que j'ai reçus, c'était des messages de partis politiques. Oui. C'était vraiment une lutte d'influence pour diriger le jeu, enfin in-game quoi, c'était un truc de malade. T'arrives, les trois premiers messages que j'avais, c'était le parti du... À l'époque c'était... RPR. C'était un parti... Vous connaissez l'UPR. C'était un parti à revendication nationale. Parce qu'il y avait, quand même une grosse identité nationale dans ce jeu. Ouais, il y avait une... C'était très, très cloisonné. Attention, c'est, tu es français, commence pas à avoir des connaissances ailleurs. T'es là, tu fais, oh, c'est bon, les gars. Et t'arrives, tu te fais engueuler, quoi. C'est ça, oui. c'était ça. On te disait, il faut faire tel type de travail parce que c'est ce qu'on recherche dans... C'est français. Ouais, c'était du stacanoïsme. On te disait, il faut faire tel type de truc parce que nous, on veut amener ce pays dans cette direction. Ouais, t'es là, tu fais, mais t'es qui, toi, les garçons, enfin, qu'est-ce que tu me veux? Et le totalitarisme. En fait, il y a un moment dans le jeu où il y a jeuxvideo.com qui a découvert le jeu, entre guillemets, qui ont fait un dossier sur le site. Et là, tu as eu peut-être une vague de 10 000 inscriptions sur, pour le pays France, enfin pour la France. Donc, ouais. Et on était accusés de... Tocard. Qu'est-ce qui se passe, je vois. Il y a David qui fait sur le chat, alors qu'il est à côté de nous. Quelle perte de temps, c'est juste pour la base. Je vous laisse, je vais jouer à Zelda. Et bah, vas-y, casse-toi. Il y a eu 10 000 joueurs sur la France. Ouais. Et on était accusés de tricherie, plein de merde. Ouais. Et bien sûr, je veux en arriver au royaume renaissant. Alors, honnêtement, j'y ai pas joué. Toi, tu t'as connu à Zertop ? Ouais, j'ai connu au. Alors, pas forcément au tout début. Et tu joues encore ? Là, je me suis remis mais en Tamago, donc tous les soirs, je clique. Tu fais juste tes actions. Et puis... J'ai pas le temps, en fait, vraiment de m'impliquer dans le truc, parce que c'est. En fait, les royaumes renaissants, donc, c'est le parti pris, donc, ça se passe au début de la Renaissance. En France, donc au tout début c'était vraiment le quartier de la France, donc avec le. La région royale, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le domaine royal, donc t'avais Champagne et quelques trucs, t'avais quelques villes. Et plus ça allait, en fait, moi je suis arrivé au moment où le duché, le comté de Lyon, enfin Lyon, Valence et compagnie, tu vois, il venait de se créer. Et je me suis déplacé en fait. De là où j'étais atterri quand tu t'inscris, qui était à peu près localisé. T'as déménagé quoi ? J'ai déménagé 3-4 jours après avoir fait les bases dans la nouvelle ville où t'avais quasiment tout à construire. Et c'était en. C'était quoi ton métier ? J'ai quasiment tout fait. T'as fait. Parce que j'ai un témoignage, c'est peut-être toi, je sais pas. Non. et en fait, j'ai lu des. Tu es mon grand témoignage dessus. Et en fait, d'après les témoignages des voix, en fait, ce serait juste. Des guerres de pouvoir, genre dès que t'as un mini pouvoir, comme dans la vraie vie, hein, dès que t'as un petit pouvoir, tu sens que bah, c'est baiser les stagiaires, mais non, ça, c'est genre abuser des petits pouvoirs. Rien de plus cool qu'une stagiaire qui lance des c'est un pas peu pour ça que j'ai jamais été en fait la partie vraiment RP j'aurais aimé des royaumes renaissants, parce qu'en fait c'est des luttes de pouvoir entre personnes réelles qui jouent des rôles mais qui luttent aussi pour faire ça. Donc c'est con parce que c'est un univers très, très intense et très enrichissant et très riche en fait. Parce que c'est tout un contexte où tu peux, t'as la partie où tu fais tes liens, mais t'as la partie vraiment RP où tu joues le rôle de ton personnage, où tu peux être maire, tu peux être maintenant, tu peux devenir roi. Donc pendant une période de, je crois, 6 mois, je crois, où t'as en fait t'as la fonction de roi dans l'univers des royaumes renaissants. Et c'est un truc, au début, quand je jouais, c'était Levan, donc l'un des créateurs de... Levan. Il avait un slip sur la tête. Non. Les Royaumes Renaissance, c'est développé par Celsius Online, donc c'était le mec qui a monté la boîte. C'était lui le roi. Et tout ce qui était vraiment au niveau de développement et de règles, c'était les admins en fait, du jeu qui avaient cette fonction-là. D'accord. Et à cette époque-là, jamais on pouvait dire... Ça sera un joueur qui aura cette fonction-là. Ouais. Parce que c'était vraiment les amis qui avaient ça. Et en fait, pas du jour au lendemain, mais en fait, ils se sont déportés pour dire, voilà, on va mettre en place ce mécanisme-là parce que vous voulez ça. Donc, ils ont fait la passation, vraiment, la partie admin qui donne le pouvoir en fait, aux joueurs. Et ils l'ont fait aussi côté RP. Le roi a abdiqué. Ah, pour mettre en place en fait le système de roi qui est élu. Non, c'est en fait le roi qui est élu par je sais plus quoi, Consul, les ducs et les. Un peu comme le pape quoi. Les comtes de chaque duché qui lisent le roi. Ça se faisait, ça, ouais, ça se faisait. Mais t'as à côté de ça, ça a toute une partie vraiment RP avec l'héraldisme qui s'est développé, les mecs qui font les tampons pour vraiment faire RP avec les inscriptions dessus quand tu écris. Mais c'est prenant, quoi. Les mecs qui sont méta. Les mecs qui sont... J'ai trouvé un témoignage. Ouais, moi, je suis repassé sur le site d'e-République, justement, ouais, pour voir comment ça avait évolué. Bon, alors maintenant, tu peux plus accéder à toutes les fonctions que tu avais sans rentrer. Ouais. Un compte Facebook, une merde. Enfin, voilà. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était surtout les pays du bloc russe, Lituanie, Ukraine, tout ça qui était en tête. Et aujourd'hui, dans les top pays, les 5 premiers, c'est l'Indonésie, l'Égypte, la Serbie, la Hongrie et la Roumanie. C'est des pays qui... Tu les rayais de la carte avec un P de main à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont premiers aujourd'hui. Ouais. C'est... Il n'y a plus de Russes, donc je pense que déjà, il y a une bonne partie de hackers et de... Vladimir Poutine, il a un cheater qui ont dû se faire ban. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a plus de puissance européenne de premier plan dans le top 5. Enfin, voilà, c'est marrant comme ça. La question, ça évolue. Est-ce que eux, ces pays qui sont là, ont eu accès dans la même mesure, ouais, en même temps que nous? C'est la réflexion que je me suis fait. Et est-ce qu'il n'y a pas eu une lassitude de notre côté aussi, dans nos systèmes? Enfin, moi, je vois, e-République, j'ai dû y jouer 2 mois, quotidiennement. Ouais. Mais, enfin, voilà, c'est pas... Moi, dans les Royaumes Renaissants, je sais que même en vacances... Vite, vite, vite. Voilà, le matin, parce que j'avais une fonction, j'étais dans l'armée du Dauphiné, en fait, j'avais un rôle important, c'était de nourrir les soldats. Donc, passer par le jeu, donc t'avais vraiment un système de, voilà, je te donne ta ration. Ta ration, t'es payé, t'as droit à tant de viande, tant de poisson, tant de trucs. Ouais. Donc, t'avais ça vraiment, le côté RP où je te donne ta bouffe, mais passer par le jeu. Donc, ça veut dire qu'il faut que je te vende tant de poissons à tant de prix, que tu me revends tant de poissons à tant de prix. Ouais, pour pouvoir avoir ça, rétrocondition, merci l'Europe. Du coup, t'étais obligé de passer par ça, parce que le jeu à cette époque-là, bah, t'avais pas de mécanisme de don ou d'armée propre, t'étais obligé de passer par le marché pour. C'est intéressant de voir quand même le jeu, tu utilises le jeu, tu lui tournes la fonction pour pouvoir faire ton côté RP. Ouais. C'est dommage, c'est des jeux intéressants, mais c'est hyper con. C'est ça. Ah bah c'était le but. Puis t'es obligé d'avoir une contrainte, c'est de venir systématiquement tous les jours, de faire toujours les mêmes actions. Si tu veux prendre du temps, tu perds du temps. Enfin, c'est ça. Enfin, littéralement, moi, à la fin, c'était de perdre du temps. C'était un verrou. Sur les Royaumes Renaissants, t'as moins le côté au game où tu viens faire ton action toutes les X heures, en fait. Ouais. C'était la journée. Tu faisais ton action et à 4 heures, parce que tu avais des Québécois qui jouaient, donc du coup, à 4 heures, en fait, heure française, ça mettait à jour ton action. Et du coup, voilà, tu réalisais ton action. Donc il y avait des mecs à 4 heures qui se connectaient, qui faisaient leur action et qui pouvaient, par exemple, s'ils étaient à la milice du village, voir les gens qui passaient, qui avaient fait l'action de déplacement et qui passaient par là où tu étais, qui envoyaient les rapports sur un forum. Et les mecs disaient, ah putain, j'ai vu tel type qui fait partie de tel brigand, de tel guide, machin, donc du coup, ils vont passer par là et tout, donc c'est des trucs, ça te prend toute la journée à réfléchir, qui sont des actions vraiment chronophages pour une action où t'as cliqué sur un lien pour te déplacer, quoi. Non mais parce que là, je regardais un forum, t'avais un mec qui a joué pendant 12 ans, donc c'est peut-être toi, je sais pas. Alors il disait, j'étais investi dans la ville, j'étais curé, je rédigeais des sermons. C'est dommage. Voilà. Et les enfants. Il a décidé de déménager, et il s'est aventuré dans un chemin, il s'est fait attaquer par des bandits et tout ce qu'il avait amassé pendant 12 ans, il l'a perdu, il s'est fait dépouiller. Et tu vois, il était pas content et tout. Et t'as eu un mec qui lui a répondu, bah, tu te balades avec plein d'argent dans tes poches dans une route, gros con. C'est ça, tu fais un groupe armé et tu te déplaces et tu tues et que tu croises et que t'as un combat, quoi. C'est les règles de base. Au bout de 12 ans, il y a moyen que le mec soit costaud, quoi. Bah, en fait, t'as... c'est pas comme un RPG où t'as vraiment le niveau qui augmente, en fait. C'est plus le nombre de joueurs renommé, qui vont faire que tu vas avoir de la puissance. Si tu es tout seul qui te balade et que tu as un groupe de 5, qui, même si vous êtes. Tous les personnes sont en max au niveau des caracs, qui sont à 255 parce que c'est des bits. si tu as tout le monde qui a 255 mais que tu as une personne contre 4, le mec il va se faire rouler dessus, quoi. D'accord. Ils sont 4, tu peux rien faire, même si c'est armé. C'est cassé, donc c'est cassé. Voilà, c'est ça. Donc c'est si t'es tout seul et que tu te déplaces avec tout sur toi et que tu te fais brigander, bah tu l'as dans le pololo. Pololo. j'ai tape le code de la voiture. J'ai la catégorie de je perds mon temps et je crois quand même que je vais gagner de l'argent. Prizy, bien sûr, Prizy, l'unique, le seul. Avec Céréal Punk. Ouais, c'est ça. Oui, mais franchement, le... j'ai connu quelqu'un, le cousin d'un cousin d'un cousin, il a gagné 250 euros. Donc, c'était la française des jeux, quoi. C'était des jeux à gratter. Tu penses que tu as gagné des sous, mais au final, tu perds juste ton temps. Mmh. Et moi, quand j'avais 11 ans et que j'avais pas d'argent, je me dis, je vais me faire des sous et tout. Une fois, j'ai gagné 5 centimes, j'étais content. Alors que pas du tout. Ça me rappelle les vieilles bannières publicitaires que tu mettais sur ton écran, tournées en fond, là, et qui te disaient, à chaque pub, vous gagnez 0,001. J'ai pas connu ça. T'as pas connu ça ? Non. Bah, c'est pas vieux, hein. En 2005, ça tournait encore. Hein. Ouais. Bon, en gros, au début, j'étais sur Prizy, puis après, je me suis aperçu qu'il y avait plus d'argent à faire dans le podcast, donc je suis allé dans le podcast. Ça, t'es un vrai. Oui, bien sûr. Toi, t'es un ice contact. Et donc, dans Prizy, il y a des gens qui payaient des passes pour pouvoir jouer plus souvent. Ouais. Mais en fait, ce que tu gagnais en grattant, ça remboursait même pas un dixième de ce que tu payais pour dépasser. Ouais. Tu gagnais rien, quoi. Oui, j'ai gagné, j'ai gagné 5 centimes. Quoi. Quand tu gagnais 5 centimes, t'étais content. Il te fallait. Je sais pas comment, il te fallait 2,50€ pour acheter un bordel et encore il te fallait en plus payer 2,50€. Les gens avec leur peluche bubu, quoi. C'était un peu. Le casino mène toujours. Hein. Pour avoir un radio réveil, il fallait en plus payer 20€ en plus des 2,50€. Tu avais mis 3 ans à choper sur le site. Oui, donc en fait tu le payais. En gros, t'es pas sur AliExpress, t'as les. Et il y a plein de litiges sur les forums de consommateurs en ce moment. Parce qu'en fait, il y a des gens qui jouent depuis 15 ans. Oh putain. Donc tous les soirs, ils grattent leur. Ils se grattent le ticket. Ils se grattent le ticket, ils ont fumé leur centime, ils sont contents. Mais en fait, tous les ans, Prizy, ils réévaluent la valeur de l'argent qu'ils mettent en jeu dans l'argent virtuel. Du coup, ça ne vaut plus rien. Oui, ça dévalorise. Ils dévalorisent. Donald Trump. Divers jeux, bien Urban Rivals, ce jeu de cartes. Oui, j'ai joué à ça. Mais je n'ai pas vraiment accroché. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les cartes étaient évolutives et que tu avais souvent un design différent. Les cartes évoluent de niveau. Là, t'avais le petit chien, le j'étais chien un peu gros, puis le chien gros, plus le cheveu le Pokémon, quoi. Ouais, le cheveu les balleuses. Putain, ça me fait trop épais, je crois que je vais y rejouer. Je cours. Ouais, tu te souviens de ce jeu? Non, je suis retombé sur un truc qui m'est revenu en mémoire, auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps. C'est de la simulation sportive à l'époque, c'est sur Powerplay Manager. Ouais. Donc, c'était Powerplay, c'est une expression typiquement OK. C'est le jeu de puissance. Et c'est une équipe de développeurs qui avait. Alors, je crois que c'était dans les pays de l'Est. Les mecs avaient développé une simulation de gestion d'une équipe de hockey où tu entraînais tes joueurs tous les jours et gagnais de la puissance. Forcément. Et là, fallait y aller tous les jours. Et là, j'y ai joué pendant. C'était des saisons très courtes. Ouais. Ça, c'était l'équivalent de 5 semaines, une saison. Ah oui, oui. Et tes joueurs, tu les faisais progresser et tout. Et là, j'ai regardé. Moi, ça y est, dès que tu me parles de hockey, de toute façon, ça y est, c'est perdu pour la patrie. Mais ils ont développé en projet, ils avaient le foot qui est arrivé derrière. Et maintenant, je vois, ils ont le hand, ils ont le basket, ils ont le tennis, ils ont la Formule 1, ils ont le biathlon, ils ont le volleyball et ils ont le baseball. Le biathlon, tu peux. Et là, le problème, c'est ce jeu-là, vraiment, quand tu es accro de sport, généralement, tu commences à. Moi, je me souviens, j'avais des tableurs XL pour savoir sur quelle capacité il fallait que j'accentue quel joueur. Quel type de poste et tout. Hashtag ça rigole plus. Quel centre d'entraînement il fallait monter en premier, quelle structure, tout, c'était. Tu rigoles, mais sur les Royaumes Renaissance, c'était exactement la même chose. Il y avait des mecs qui avaient mis en place des tableurs Excel, justement pour calculer comment tu devais faire ton marché pour te donner en fait un poisson gratuitement. Et t'as les mecs, c'est. C'est méta. Au game. Pareil. Oui, t'envoyais ton vaisseau lourd et armé, mais pour pas qu'il se fasse défoncer, pour qu'il y ait moins de chances qu'il se fasse défoncer, t'envoyais 150 000 du vaisseau le plus bas, c'était le léger. Ouais, juste pour faire tempo en fait. Pas faire de dégâts, faire tempo. Ouais. Et t'avais des tableurs en mettant t'as ça, tu mets ça. Tous les jours ça. Monzo. Monzo, t'as joué à Monzo. Monzo, c'était quand même une merde. Putain, ils doivent être sacrément morts tous mes animaux. Ah, alors, t'avais une carte du zoo. Ah, mon zoo. Plein d'emplacements libres. Et tu devais mettre des animaux. Des animaux. Et, en fait, mon bon zoo. Alors, c'est que je lui mets. Tes animaux, ils se reproduisaient. Mon bon zoo. Mon bon zoo. Ça peut être en filon. Tu rentres ton acteur. Attends, ton acteur porno. Et en gros, moi j'avais mon zoo, mais comme c'était chiant ce qu'il fallait développer et tout. J'avais un concierge et deux autruches, et puis. Moi, je l'avais développé de ouf, moi. Ah ouais, bah, putain, j'y jouais, j'y jouais avec des potes. T'avais des girafaris. Enfin, des potes, eux, en fait, parce qu'il y avait que des filles. Ah. Forcément, nous ont. Oh, mais c'est pas un gros. Il y avait ma soeur. Pas à Gonzo, là. Il y avait que des filles, ils sont Gonzo. Et moi, j'avais un gros de ouf, par contre. J'avais vraiment tout développé au max et tout. J'avais un gros de ouf, quoi. Ouais, déjà stratège à cette époque-là, je me suis fait chier. Fais stratège. J'ai quoi? J'ai la quête de rig, je casse les couilles aux gens en leur demandant de cliquer sur mon lien tous les jours. Bah ça c'est les jeux Facebook. Alors la brute. Ah putain la brute, mais oui. T'as recommencé 40 000 fois parce que ta brute, mais non, mais elle est brise, elle est encore. Ça je me souviens aussi. Ta brute. On va faire un nouveau compte. Non, je vois la brise. T'envoies un lien et puis il y avait de la bagarre. La bagarre. C'était chiant. Miniville. T'avais une ville, t'envoyais un lien, et chaque fois que tu cliquais sur le lien, t'avais une personne en plus dans ta ville, et puis tu devais développer ça. C'était tout aussi à chier, sauf que les gens étaient envoyés ça sur MSN pour dire « clique sur mon lien, j'en ai un match ». C'était cadeau-cadeau, moi, le site. Cadeau-cadeau, oui. Ouais, c'était la boîte, j'ai tapé la boîte, ça existe encore. Oui, bien sûr, ça existe toujours, la boîte. Ça a été racheté par Motion Twin, c'est une boîte qui fait pas mal. Oui, c'est celui-là. Et après, il y a aussi tous les jeux, toutes les merdes, genre Tamagotchi. Alors, c'était un animal, il fallait le développer, genre. Mouton King, Liven Banquise, The Cheval, Cochonland, j'avais un cochon qui s'appelait Chino, Dinoland, bien sûr, Dinoland, ouais, ça me parle. Il y avait trop Mimi aussi. Cadeau, cadeau, ouais, c'est et ça. Tu t'occupais de Crazy et Cadeau. Et même pour aller plus loin dans le cynisme, je jouais à Claude Hollande. Claude Hollande. T'étais à Claude à Paris et tu devais fouiller les poubelles. Et ouh, Valérie Pécresse, ça devait pas t'aimer là, toi. Non, mais et ça marchait trop bien, c'était mal fait, mais voilà. J'avais mon petit Claudeau. Ça petit Claudeau Pipo. Un petit Claudeau qui faisait Bordeaux Wifi. Bon, bien sûr, j'avais 12 ans, je me rendais pas compte que c'était horrible. Il fallait trouver les meilleurs spots où dormir et tout. Enfin, ouais. Ah mais ça c'était l'appréhension du capitalisme. Ouais. Et bon bah non, l'héritage, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah les jeux maintenant, ce genre de jeu, ça a pas mal baissé. Ouais. C'était excessif. Maintenant, t'as tout ce qui est tablette qui marche bien, Clash of Clans, ce genre de jeu. Que bien il y a d'ailleurs le jeu. Tout ce qui est sur tablette maintenant. Le truc avec les tanks là. Bah en fait maintenant comme t'as des moteurs genre Unity qui se sont développés, tu peux faire des jeux bien foutus pour pas sur Kongregate aussi t'as plein de jeux comme ça. Moi ce que j'aime bien sur Kongregate c'est les shoot'em up. Il y a un bon paquet et franchement et c'est le style de jeu que j'avais du mal à retrouver jusqu'ici et tu vois maintenant que j'ai la Switch c'est lequel dont j'ai parlé la dernière fois je sais plus. Et c'est le truc là, ça coûte 10 balles et franchement, ben voilà, le prochain là, c'est Skyforce Reloaded. Petit jeu pas cher, c'est ça. Ouais, Skyforce Reloaded et franchement, ça me rappelle 1942 pour ceux qui ont connu Amstrad, CPC 464 et 6128. Ouais, je sais, ouais, ça fait très plan B comme réflexion. Ouais, j'avais la Mega Drive. Jolis pixels, jolis pixels. Ah bon, alors, après, si on commence à parler d'Amstrad, on va tomber dans Outrun. Outrun, je l'avais moi. Voilà. Cousine, elle avait filé l'ordi avec Outrun, putain. Ouais, SimCity, hyper facile. Que tu craquais avec Discology. Ouais. Bon, maintenant, il y a une tétra chier de genre de trucs de Minecraft et tout. Mais je me souviens, moi, sur les forums, il y avait des gamins de 12 ans qui disaient bonjour, j'ai 14 ans, j'aimerais faire un jeu comme O-Game, j'apprends le PHP, pas sérieux, s'abstenir. T'avais que des gamins de 12 ans comme ça. Et, Des gamins qu'on lui sur violé par des pédophiles. Oui, si tu le dis. Et voilà, merci d'avoir participé, je n'avais rien préparé, c'était très bien, merci. Non, mais voilà, On en a combien là Voilà, c'était mon collège, je suis rentré le soir, je faisais mes devoirs et je jouais au game. Le problème c'est que sur cadeau-cadeau et PowerPlay Manager là, c'est le lien que je te montrais là, Icaria, un peu dans le genre de Metropolis. Metropolis, c'est un peu dans le genre de Zelda et Icaria. J'étais arrivé dans le jeu, j'avais pop sur une île où il y avait une ressource rare, genre des diamants. Direct, j'avais reçu un MP d'un mec qui faisait partie de l'une des plus grosses guildes du serveur qui me fait. Commerce de diamants avec moi ou je te pète la gueule. J'ai vu que j'ai commencé ça. Ok. T'as pas fini. Mais ouais, je sais. Une semaine plus tard, j'étais bien. Moi, je fais plus à la gueule. C'est quand même pas le cas. J'ai compris avec lui et une semaine plus tard, je faisais partie de sa gueule. Et il m'a aidé à me développer un peu d'autres taquets. Et au bout de 2 heures, je ne savais jamais. Du coup, Pépé, là, ça te développait. Si on t'emmerde, c'est ça. C'était pas exagérément. C'était du commerce. Au début, ça me faisait. Il y en a plein de jeux. Donc, je lui filais mon diamant, mais en échange, il me filait, je sais plus. Je pense qu'avec la Switch, ils ont fait un gros truc. La brute et. Là, ils ont. Je pense qu'ils vont mettre Urban Paris pour rentrer dans l'histoire. Le labo, là, je veux le tester. J'adore les parties d'aléatoire. J'adore le concept, en fait. Le bazar, c'est intéressant. C'était même pas Claude Land, c'est Claude Fight. Ah oui, ça oui. Oui, ça me parle, là. Ouais, Claude Fight. Ah, celui-là, c'est quand tu essayes. Ouais, il va tout exploser. S'il existe encore. Je sais que tout le monde finisse de palabrer. Et pourtant, j'ai jamais entendu dire stop. C'est inaudible parce que là, ils sont partis sur la Switch. J'ai un dernier truc à dire. Stop à la. Oui, vas-y. Maintenant, c'est un jeu un peu comme un game, c'est Space Origins. Non, mais c'est un Origins. J'y ai joué 2 jours et ça m'a saoulé. C'est pareil, on y a joué au lancement avec Pépé, avec Randall. J'ai joué un petit peu plus longtemps, mais. C'est à l'époque, j'arrivais chez moi, je lançais Planning Podcast pour dire que c'est vieux et je lançais Space Origins. J'ai joué le jour de sa sortie à Space. Truc origine, c'est pas pareil, c'est tout. Moi j'ai continué un petit peu. Le problème c'est qu'après je me suis rattrapé tout le temps, je suis passé sur le game. Oui, non, mais en fait c'est pareil, faut j'arrive. Et c'est là que tu dis que tu c'est pas la peine. Mais mes chers amis, continuons cette émission. Mais là où vas-y, c'est pas fini, c'est la deuxième. Oui, ah oui, mais c'est pas fini en plus. On est à 2h, 2h05. Et bien maintenant, on va passer au quiz de Gaston, tout simplement. Allez, là. L'arrêt de queue, t'as commenté. Je suis déçu. Oui, là, mais c'est des questions longues. Alors, j'ai aussi une bouteille de cette brasserie à la maison. C'est une blonde fruit rouge. Ouais, tu vas aller la chercher, s'il te plaît. Et moi, j'ai. C'est pareil, c'est pas ultra d'accord. Sucré. C'est moi, je dois, on a qu'à 2h. Très acidulé avec le goût du fruit rouge. Et moi, j'ai crème de marron. Et toi, t'as la crème de marron, ouais. Exactement. Dans quel sens? Non, mais toujours. Dans mon calcif. C'est pas Cobal, bon, c'est Stifleur. Donc. Quiz Asto spécial. Donc il y a un type de quiz que j'aime bien faire. C'est l'anus que j'ai déjà fait deux fois. Le super mashup. C'est japonais. Jamais 203. Donc j'ai réussi. Le mashup. D'animé. J'ai refait des mashups. L'animé de manga. Attention. C'est le genre de truc où je me mets en PLS parce que je connais pas. Franchement, je vais aller racheter des choses pour moi. Il y a Intermarché. Mais on aura dit Nemo. Pour pimenter le truc, c'est. Tu peux répéter vraiment ta phrase là, c'est sûr que tu veux. Attends, je l'appelle, il va donner les réponses. C'est ta rubrique, affirme-toi. Asto, gueule. Pour pimenter un peu le truc, ça va être un peu plus érotique que. Oh ah, ben voilà, tu teases hey, je tease. C'est pour ça qu'il y en a que 10. C'est du baril. Parce que c'est pas facile à faire des matchs de 6-6. J'ai déjà fait 20, et donc là j'en ai fait 10 de plus. Allez, on est parti pour le premier. Donc, premier mashup. Alors, Rito est un garçon un peu spécial, solitaire et au caractère fougueux. Il n'est pas des plus appréciés dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition. Déclarer sa flamme à Haruna. Mais, alors qu'il était décidé, Lala, une extraterrestre en fuite qui l'a sauvé la veille, se méprend sur ses paroles et décide de l'épouser. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Rito découvre que Lala... Maître Okage est courtisé par toute la galaxie. Bon, déjà il y a Naruto. Naruto Lolove. Naruto Love Rururu. C'est tout Love Rururu. Donc c'est Na. Non je enlève les Rururu. Tout Love Naruto. Non. Tout Love quelque chose. Tout Love You. Rito, c'est pas I was born. Non, c'est Tout Love. C'est la série Tout Love. Aussi, d'accord. To Love Darkness. Ça, c'est la suite. Ah putain. To Love Darkness. To Love. C'est la suite où c'est encore plus itchy. Là, dis donc. J'ai chaud. Donc c'est To Love. Et après Naruto. Un truc avec Naruto. Non, bah non, Naruto, Love. Naruto, Love. Shippuden. Tu vois, comme la bière de Pépé. Elle était. Mosaïque. Elle était. Elle était comme. Trouble. Blanche. Elle était Naruto, trouble. Love, Trouble. Elle était... Trouble. Love, Trouble. Naruto, True voilà. Love, Love. Donc c'était Naruto, Love, Trouble. Naruto, les ailes troubles. Gandalf aussi. Voilà. Non, ça va aller vite du coup, Lévis. C'est bien parce qu'on est déjà à 2 heures. Alors, deuxième synopsis. Minami Satoru, c'est un pervers fantasme chaque jour sur son ami d'enfance, Nana. Il rêve de lui faire porter attache-moi une tenue de slime. Oh putain! Au cours du destin, un c'est soir, Monster, Nana je sais pas quoi, ça. D'abarque chez lui, vêtue d'une tenue pour le moins débridée. La jeune fille est prise au piège du costume. Pour des japonais quand même. Dont elle a fermé le cadenas par erreur. Commence alors un apprentissage de Nana par son maître, mais néanmoins ami Satoru, une vraie initiation au plaisir de la réincarnation. Attache slime. Monster. D'ailleurs, c'est Monster, c'est pas Monster Rime, je sais pas quoi, Monster Slime là. Bon, donc il y a du Attache-moi. Oui, voilà. Attache-moi, oui. Et l'autre c'est Monster Rime ou Slime Monster ouais. Maid. Non, alors. Monster Rime, il n'y a pas de. Il y a moins d'indices, donc il y a le Slime et il y a le personnage de Minami Satoru. Satoru. Iwata. Évidemment. Mais c'est surtout le slime, parce que le personnage de Minami Satoru, il est genre pendant 10 pages au début du manga. Le slime, c'est bien. Mais c'est tout. Parce qu'après, c'est toujours un slime. Pendant tout le reste de la série, c'est un slime. Ah, je sais pas. Non. Mais c'est pas une série assez récente. Moi, je pensais que ça s'appelait Monster Slime. Comme deux tomes pour l'instant. Ça s'appelait Monster Slime, un truc. Et qui s'appelle aussi. Moi quand je me réincarne en slime. Mmh. Donc attache-moi quand je me réincarne en slime. Exactement. Donc moi quand je me réincarne. Attends. Quand je me réincarne en slime. On a perdu ton cheveu. C'est lui, c'est Kai, donc c'est un truc, c'est un mec qui meurt et qui se retrouve réincarné dans un nouveau monde où il est réincarné en slime. Le truc le plus. Le truc le plus pourri du monde. Ouais. Et qui est super à l'aise. Et c'est assez marrant, c'est très très bien foutu, c'est très très marrant. Oh slime. Et est-ce que ça fait, est-ce que quand on met de la musique, ça fait danser slime? Je sais pas, la chanteuse. Ouais. Et qu'on peut le diriger avec une Game Boy. Alors le suivant, on est sur. Ouais. On est au niveau. C'est dans le titre, ça non? Ah, je préfère. Alors Vanilla et Chocolat sont deux sorcières. Donc Vanille et Chocolat. Prétendantes au poste de reine du royaume magique. Magique. Pour accéder au trône, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du cœur d'un maximum de garçons. Elles vont donc vivre des histoires toutes plus hautes les unes que les autres. Une bonne pipe, c'est bon. Vanille et chocolat. Vanilla essence. Non, vanilla et chocolat essence. Vanille chocolat. Chocolat et vanilla essence. Vanilla essence. Alors, vanilla et essence. C'est quoi le vanilla essence? C'est un vanilla essence. C'est un hentai de. C'est comment il s'appelle, Yamatogawa, c'est ça? Oui, Yamatogawa. Ouais. Qui dessine de ouf. Et donc, Chocolat et Vanilla, donc deux sorcières qui doivent se rendre dans le. Deux sorcières qui veulent devenir reines du royaume magique. Dans l'enculverse. Et qui doivent aller dans le royaume des humains pour s'emparer du cœur de maximum de. Les balles du dragon, multiverse. Alors, ensuite, on a quoi? On a Soma, un lycéen timide et surdoué en cuisine. Qui effectue un job d'été au service de la maintenance de Oz, la plateforme communautaire d'Internet qui regroupe des millions de personnes à travers le monde. À sa grande surprise, la jolie Natsuki, la fille de ses rêves, lui propose de l'accompagner à Nagano pour rejoindre une école d'élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés. Merde, c'est Food Wars et Food Wars... Wars hein. Merde, putain, avec le lapin et... C'est ça, hein? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah putain! Ah putain! Ah putain! Si, avec le bateau qui tombe sur l'eau, c'est dans le bateau ça. Qui tombe sur l'eau. Mais si. Putain, ça s'appelle comment ça? Avec le lapin? Ça, hein? Ouais, non, ah oui, avec la jacket, le bumpers rouge. Là, c'est le jacket, là, le bunker. Putain, ça s'appelle comment, Wars? Ça s'appelle? Quelque chose Wars Foot pour noir. Non, mais c'est un truc qu'on a vu en plus. King putain. Kazuma, il s'appelle le lapin. Ah, mais ça c'est Summer Wars. Food Wars. Summer Wars, ouais. Voilà. Summer Food Wars. Ah non, mais c'est dans Food Wars. Ouais. Non, c'est Summer Food Wars. Dans Food Wars, ils ont des orgasmes sur le fond qui goûtent un plat, si tu vois. Ça, c'est terrible. Ils ont les vêtements qui se déchirent. Il y en a, c'est pas que le vêtement qui se déchire. Hein. Tu lis le. C'est la âme, c'est la. Je l'ai regardé sur Netflix, moi. Ils l'ont fait en manga aussi. De quoi? Summer Wars. Il y a un manga, ouais, Summer Wars. Enfin, il a été adapté en manga après. Plus, ils ont avec un crossover. Ils ont fait juste une histoire inédite. Bonus basé sur King Kazuma, en fait. Ok, pas mal. C'est le manga du cliché absolu et. Mais Summer Wars, ouais, j'ai lu le dernier tome qui est sorti là, le 22, et ils en viennent à t'expliquer le phénomène de déchirage des vêtements. c'est excellent. Alors, synopsis suivant, je ne sais pas où vous en êtes, peut-être à la moitié, presque. Alors, j'ai deux versions du synopsis, je crois que la V2 est meilleure. Il me semble que ma V2 était meilleure, donc je vais vous faire la V2. Donc, Kiyoshi intègre le lycée Hashimitsu, un ancien lycée pour filles connu comme étant l'un des meilleurs, mais aussi l'un des plus stricts. Sex school, Est la première année de l'histoire de l'école où les garçons peuvent y accéder. C'est prison school. À sa grande surprise, il se rend compte qu'il n'y a que 4 autres garçons dans le lycée, soit un garçon pour 200 filles. Un jour où les garçons se sont adonnés à une séance de voyeurisme, ils se font surprendre et apprennent l'existence d'un conseil étudiant clandestin, et leur cauchemar ne fait que commencer. Le monde est contaminé par une maladie mortelle qui transforme les humains en zombies. Prison School Life Zoned. De nombreux étudiants ainsi que l'infirmière scolaire sont réunis afin de tout faire pour survivre à cet apocalypse. Il a jamais des trucs, quoi. Il se transforme en quoi, en zombie. Prison School of the Dead. Le mec qui parle de Mario, il meurt, c'est méta. Prison High School of the Dead. Prison High School of the Dead. Exactement. Ah putain, dire que j'ai la version colorée de. De High School of the Dead. Je savais pas qu'il était sur le site. Ah ouais. Alors, le suivant, il est plutôt prêt à voir ça. Oh oui, ah bah, j'aurai le temps maintenant. 1986, Düsseldorf, Allemagne de l'Ouest. Monster, ouais, voilà. Le docteur Tenma est confronté à un choix difficile. Sauver la vie de Johan, un petit garçon, et celle du maire de la ville. Contre l'ordre de ses supérieurs, il sauve l'enfant. 1995, Düsseldorf, Allemagne de l'Ouest. Le docteur Tenma savait que son choix serait lourd de conséquences, mais jamais il ne se serait imaginé à quel point. L'enfant a grandi et se voit plus ou moins imposé par la coordinatrice Madame Smith d'héberger Mia, une femme serpent. Ah, mais ça, face au caractère impulsif et entreprenant de sa jolie pensionnaire qui l'a rapidement rebaptisée Darling, il comprend vite combien il va lui être difficile de respecter les deux impératifs absolus que sont l'absence de violence entre humains et monstres et surtout l'interdiction d'avoir des rapports sexuels interraciaux. Monster Man. Non. Et même interraciaux. Oui. Alors qu'une femme serpent, hein. Allez, je te ferai des œufs, moi. Elle est bien, la petite nia, allez, la soirée. Pas que, les autres aussi. Je vais te branler sur les œufs, moi. Monster Musume, c'est ça? Monster Musume, ouais. Et l'autre? Et l'autre, c'est Monster. C'est Monster. Monster quoi? Soit Monster Musume ou soit Monster Monster Musume. Il veut tuer Chouan. C'est Chouan, il est un peu chou. Chouan. Donc pareil, Monster Musume, un truc où il y a des filles à poil un peu à toutes les pages. À toutes les sauces. Oui, parce qu'il y a une fille serpent, après il y a une fille oiseau, une harpie, après il y a une fille cheval, il y a une fille le cheval, serpent, ça m'a pris très tôt. Il y a une sirène, il y a une slime. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté du mille, oui, d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Non. Il y a les vaches, les centaures, les... Oui. Je n'ai pas la taille, ça. Oh, ne dis pas trop. Mon papier, t'as fait tomber mon papier. Bon, là, j'ai commencé à être à court d'inspiration au niveau des trucs un peu érotiques. Donc c'est t'as fait une enculerie, quoi. Donc après, c'est moins érotique. C'est moins érotique. Alors, il y a 10 ans, un groupe de mercenaires s'est rebellé contre les chevaliers sacrés, les gardes du royaume. Depuis, ils ont disparu et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Un beau jour, une mystérieuse jeune fille s'écroule dans la taverne de Renton, un jeune garçon qui vit dans l'ombre de son père, célèbre inventeur qui s'est sacrifié pour sauver le monde lors du grand cataclysme. La jeune fille n'est autre que la princesse Eureka, qui prie Renton de lui apporter son aide afin de lutter contre les chevaliers sacrés qui ont fait prisonnier le roi et ont asservi toute la population. Alors là, tu sais même Deadly Sins ? Il y en a. C'est les noms qui me parlent pas parce que je me souvenais pas que la princesse s'appelait la princesse. Non, Eureka, elle s'appelle pas Eureka. Mais... Oui, voilà. Ah non, bah non, elle s'appelle pas. Eureka Seven ? Mais le coup de la taverne et tout ça. Eureka Seven Deadly Sins. Eureka Seven. Allez, donne-lui à un jeune, là, il a été plus. La princesse Eureka, ça vient de Eureka Seven. Ah, d'accord, mais je connais pas. Seven Deadly Sins. Asie, il a été vif du Goumi, là, donc. Bah quoi ? Putain, j'aurais trouvé un truc. Bon, pas bleu, hein. Eh, ça va vite, il m'en reste que deux, mine de rien. On va savoir, il va me rouler, les autres. Alors, dans le pays de Clos. Dans le pays de Coca. Ah, Captain Tsubasa. Donc, déjà, vous avez une partie du truc, hein. Dans le pays de Captain Tsubasa, le pays de Clos. Hein ? Nani ? Nan d'ailleurs ? Alors, dans le pays de Clos vivent Sakura et Shaolan. Qui s'aiment secrètement. Shaolan, simple citoyen, vit au sein de la famille royale depuis que son père, archéologue, est mort. Et Shaolan reprend le travail entamé par son père en explorant les ruines du pays de Clos. Un soir, les deux amis découvrent un étrange blason dans les sous-sols et subissent une attaque ennemie. Une force mystérieuse fait perdre la mémoire à Sakura et des plumes qui matérialisent son âme disparaissent. Pour la sauver, il n'y a qu'un seul moyen, devenir le meilleur footballeur du monde. Bon, c'est Captain Tsubasa, non, mais... Ben, Captain Tsubasa, non. Tsubasa Chronicle, non, c'est Captain Tsubasa Chronicle, non. Ça manque un mot. Card. Ben non. Captor. Mais non. Je veux pas. Tu peux me dire. Il y a Captain Tsubasa Chronicle. Et il y a Tsubasa quelque chose de Chronicle. Ouais. Chronicle. Ah, mais c'est. X. Ah, Tsubasa Olic Chronicle, non ? Non, non, c'est pas Cross Olic. Non, non, bah non. C'est Clamp, mais c'est l'autre. C'est X. Clamp, hein. Attends, hein, bah, c'est Clamp, hein. T'as Captain Tsubasa et t'as Sakura. Non, mais Captain Tsubasa, c'est pas Clamp. C'est pas Clamp ? Mais bien sûr que non. Captain Tsubasa, c'est Olivier Tom. Olivier Tom. Alors je confonds avec un autre truc de Clamp qui est Captain. Ah, il y a un truc de Clamp qui commence par Tsubasa, c'est celui qu'il faut trouver. Oui, il voilà. Finit par Chronicle, mais il y a un mot au milieu. C'est justement le manga où il y a un regroupement de tous les univers de Clamp. Oui. Dedans. Réserve, réserve. Tsubasa, réservoir de Chronicle. Captain Tsubasa, réservoir Chronicle. C'est trop turfu. Et donc le dernier, le synopsis est très beau pour le dernier. Ah. Alors. Je viens jaillir. Soichi Negichi est un jeune garçon qui affectionne les ambiances délicates et la pop suédoise. Ah bah. Pourtant, comble du paradoxe. Détroit Metal City. Il est le chanteur-guitariste déchaîné d'un groupe death metal. Rendu méconnaissable par un maquillage outrancier et provocateur à la façon du groupe Kiss. Épaulé par les deux autres membres de son groupe, il écume la scène musicale indépendante kizofuite en vociférant et des imprécations démoniques sur fond de guitare électrique et tapageuse. Yuzu, la jeune fille dont il est secrètement amoureux et qu'il tente de conquérir, déteste le death metal. Jeune fille à la mode, énergique et enthousiaste, qui veut vivre sa vie pleinement, elle ne connaît pas l'amour et va jusqu'à cacher à ses amis son inexpérience derrière des mensonges pour bien paraître. Suite à un remariage de sa mère, elle se retrouve dans une nouvelle école. Une jeune fille. T'as compris, mais je vais donner pas le profil de très restrictive. De fait, cette académie cherche à faire des filles parfaites. Comme la présidente May. Bonne en sport, belle, intelligente, fiancée et un professeur. Elle est la nouvelle demi-sœur de Yuzu. C'est dans ce contexte que Yuzu découvrira l'amour. Je l'ai. Tu l'as, vas-y, dis-le. Détroit, métal, citrus. Exactement. Oh putain, bâtard. Oh bâtard, putain. Le deuxième partie du film, c'était citrus. C'est du Yuri, c'est-à-dire de la romance. Non, c'est du foot. C'est du Yuri, c'est du foot. Non, c'est de la romance entre deux filles, donc Yuzu et Mei. La blague était facile. Bien joué. Je savais pas quoi jouer et quand t'es parti sur... Qu'est-ce qu'il va faire avec City? Citrus. Bah oui, ok, c'est bon. Voilà, c'était un rapide... Non. Voilà. C'est allé vite, vous avez été efficace, vous avez trouvé... Efficace et pas cher. Vous avez trouvé de manière beaucoup plus facilement que les deux premiers quiz quand même. Quiz. Bon bah écoutez, bah on va conclure cette magnifique émission. On va peut-être faire une petite pause. Oui. Conclut, on fait la pause après. On va faire une petite pause. Alors on va se quitter sur une petite musique, mais cette fois-ci je suis vraiment dans la thématique de la thématique. Nous sommes près de Bordeaux, tout près. On est vraiment, on sent le vignoble. On sent Saint-Trion. Ah non mais pas du tout. On sent la catastrophe. Non pas du tout. Et je vais vous passer une musique de Frédéric Motte. Aka El Mobo, qui était aussi connu avant sous l'ancien nom de... El Tangue. Non, Moby. Chopfway. Ah, Moby. Oui, pas Moby, pas Moby, Moby. Moby, ou Moby, pas Moby. Bah en fait, son ancien nom, en fait, parce qu'il faisait de la musique sur Amiga. Ah, Moby a fait des centaines de groupes différents. Ouais, donc, ben en fait, et c'est lui qui travaille sur Double Kikiro, qui sort au mois de... qui est sorti, d'ailleurs. Cet épisode sera sorti, bizarrement. Et on va passer Nobody's Home de Sting, et ça vient de l'album Dusting Off the Amiga. Okay. Voilà, et donc vous allez voir, c'est de la chiptune avec des simples Amiga, c'est génial. Du coup, je lance le jingle musique ou je lance directement la musique? Oh, fais comme tu veux! Ah, c'est toi qui me dis, hein! Bon, allez, lance la musique, allez, on va s'éviter un jingle comme ça. Tu mets le jingle à la fin? Ouais. Donc on se dit au mois prochain. Si on est toujours là. D'ici là, jouez bien! Je sais plus qui disait ça. Écoutez de la bonne musique, jouez aux bonnes bonnes vidéos. Et au mois prochain. Adi shots. Salut. Dis salut toi. Salut.